Bonsoir à tous, bienvenue dans l'épisode 6 d'Intérieur Nuit, épisode un petit peu spécial, puisque vous pouvez l'entendre, on a du matériel professionnel, on parle dans des vrais micros cette fois. Bonjour Antonin. Salut Théophile. Bonsoir même, bonsoir, parce que c'est la première fois qu'on peut vraiment dire bonsoir, c'est vraiment le soir à l'heure à laquelle on enregistre. Mais ouais. du coup, on est avec deux invités. Et pas des moindres. Notre premier invité qui a un peu inauguré le podcast est avec nous, Léo. Bonsoir Léo. Wouh ! Salutations. Moi j'adore Léo, je suis fan de Léo. On enregistre devant public, hein, je dois... On enregistre en public, les applaudissements sont des gens dans le public. Il y a une personne dans le public, mais... On mettra des applaudissements. Là. Yes. Merci Louis. Merci Louis. Bah oui, parce merci que, Louis à la régie. Merci Louis à la régie. Louis, peut-être tu peux faire un petit bonjour. Bonjour à tous. Ah yes. Ah, parce qu'on a vraiment quelqu'un. Un régisseur, un vrai régisseur. C'est fou. Ouais. On est vraiment avec du matos. On est des pros quoi. Est-ce qu'on n'appellerait pas un auditeur? Non, bon, allez. Deuxième on invité. On appelle des gens au hasard. Allez, c'est parti. Hop. on apprend tous les jours grâce à Pipo Quiz. C'est ça, c'est la ref. Allez. Oui. Elsa. Bonsoir. Bonsoir Elsa. Salut. Est-ce que je t'ai demandé de te présenter, Léo? J'ai oublié déjà. Quand? Là, maintenant. À l'instant. Non, puisque je suis déjà venu. Voilà. T'étais au premier épisode. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu, après on fera la présentation? Je suis Léo, je suis venu au premier épisode. C'est regardez tout. Regardez le premier épisode, parce que je me suis déjà présenté là. Elsa, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Est-ce que tu peux te présenter? C'est-à-dire, beaucoup de gens, parce que déjà on... Mais je pense qu'il y a déjà plus de gens qui la connaissent elle que qui la connaissent. Qui ah oui, clairement. Oui, sans doute. Arrête de faire genre. Mais qui nous écoute et qui la connaissent, c'est un cercle de voilà, un diagramme de Vienne. Je ne ferai pas de. Ouais, allez. Allez, de maths. Bah, du coup, j'ai 22 ans et je suis assistante monteuse. Et sinon, je fais de la photo. Mm-hmm. Et du coup, je suis à poil sur les internets si vous avez plus de 18 ans. Mais sinon, cassez-vous. Tu n'es pas du tout, par exemple, du sud. Là, du tout, là j'ai paniqué. Voilà, c'est ça. Là je suis stressée, j'ai un ne micro. Ne t'en fais et pas. Bah, quand on est paniqué, on prend des accents. Exactement. C'est bien cool. Oui, non, mais voilà. Peut-être que tu veux partager tes réseaux pour faire un peu de promo. Je sais pas. Pour les plus de 18 ans, bien sûr. Hein. Pour les plus de 18 ans, bah, du coup, je suis en story. ouais, non, parce que quand ça sortira, Tu n'y seras plus. Du coup, mais après, c'est chiant toujours. Bah, si tu veux pas. Non, mais on le fera à la fin. Parce qu'il y a un zéro au milieu. On le fera. Non, mais on le fera à la fin. On le fera à la fin. On fera à la fin. On fera à la fin. On fera à la fin. Tu veux répéter ça encore 3 fois. On fera à la fin, on fera à la fin, la fin. Beetlejuice. À toi. Tu l'as fait 4 fois. Yes. Donc, dans cet épisode, on va parler de quoi? Parce que. Antonin, on va parler de quoi? Je sais pas moi. Je lis ma fiche parce que j'ai oublié l'animation japonaise. Attends, non, avant de le dire, je lis ma fiche. Oh, le mec fait des bruitages de fiche à la bouche. Ah, attends, j'ai ma fiche là. C'est pas à la bouche, c'est au papier. Lis ma fiche. L'animation japonaise? L'animation japonaise, exactement, pardon. Exactement, c'est ça. Il y a Louis qui est en train de me regarder là, ça me met mal à l'aise. On va un peu parler de l'animation japonaise, savoir parce que c'est Elsa qui nous a un peu suggéré le thème. Ouais, on peut dire ça comme ça. L'animation japonaise, qu'est-ce que ça t'inspire, Elsa? Yes, incroyable. Parce que sur les épisodes précédents, vous avez parlé de Pixar et Disney, enfin genre des dessins animés. Il y a eu un épisode, ouais. Mmh. Ouais. Et très bon d'ailleurs. Très bon, et pour le coup, moi, je connais très très peu et Pixar et Disney. J'ai pas du tout grandi. C'est une faute. Mais je t'emmerde, premièrement. Yes. J'ai pas du tout grandi avec ces dessins animés. Par contre, avec tous les films du studio Ghibli ou Ghibli, en fonction de comment vous le prononcez. Bien ou mal, c'est l'un ou l'autre. C'est comme Gif. C'est les films en fait qui ont marqué mon enfance et mon adolescence et qui m'ont fait grandir. Et c'est toujours des films qui ont une grande place dans mon cœur. Hein, et je continue à les découvrir avec grande joie. Tous les jours. Exactement. Bah, grâce à Netflix, qui n'a mis aucun Miyazaki. Oui, mais il n'y a pas beaucoup. Parce que ça coûte cher, le droit. En vrai, Netflix, il y a des trucs d'animation japonaise. Mais oui, genre il y a Ghost in the Shell 2, mais pas Ghost in the Shell. Ouais, voilà, c'est un truc de merde. Enfin, je sais pas, j'ai pas vu Ghost in the Shell 2. C'est super bien. C'est super bien. C'est super bien. Peut-être je le regarderai, même si j'ai pas aimé là. Léo. l'animation japonaise. J'ai pas vu les films du studio Ghibli, j'ai vu les films du studio Gifi, c'est-à-dire des films faits avec 30 euros. Du coup, j'ai une enfance un peu pourrie. Les trucs où il y a Valérie Damido dedans, ils avaient des idées à peu près bien. Mais pas Jiffy, des idées, ça va. Des idées. Médiocre, mais ça se regarde un peu, un dimanche soir un peu bourré. C'était ça le slogan. C'est long. Ah ouais, si t'étais petit, okay, et donc déjà bourré, film, par exemple, tu peux citer un film des studios Jiffy Non. D'accord. Parce que les droits d'auteur coûtent cher. Le château qui bouge pas. Le château. C'est pas le château ambulant. Le château qui tombe un peu. Sur le côté. Le château mobile. Non, il a l'air tellement blasé. Le titre, c'est le château immobile parce que le château ça marche pas. C'est un château, ça pèse des tonnes et voilà. Le château qui est bien. Le château qu'on a fait nous-mêmes avec des matériaux achetés à Jiffy. Avec les copains. Antonin. Ouais. Bah, l'animation japonaise. Je n'ai même plus de questions maintenant. C'est juste ça. Antonin, dis. Parle. Moi, j'ai vu. Sincèrement, j'ai vu aucun film d'animation japonaise. J'ai vu que des animés. Et j'en regarde très peu. Donc, tu regardes très peu d'animés ? J'ai jeté ma chaussure à la gueule. Et bah, ça fait plaisir. Pourquoi j'adore. Non, je sais pas. Bah, chacun ses goûts. Écoute, moi, j'ai beaucoup plus. Allez, baigné touche dans les pieds à l'air. J'ai toujours plus baigné dans les films d'animation américains. Je ne sais pas pourquoi. Et... Peut-être parce que l'Amérique nous a bombardé avec. Non, pas bombardé. L'impérialisme. Ils ont bombardé le Japon. L'hégémonie américaine, on peut dire. L'impérialisme américain, voilà. Oui, parce que piquer mes mots. Intérieur Nuit. Bah oui, je te l'ai piqué parce que mais c'est moi le présentateur. Je suis un peu comme la Koé, figure de proue. ou bien Nagui. Dont t'as fait le stage. En parce que je suis Nagui. Hein, je le rappelle, je suis Nagui. Hein, c'est moi Nagui. Oui. Je sais plus ce que j'allais dire du coup, puisque. Bah, ouais, et toi, les films d'animation. Et moi, les films d'animation. Bah, je vais peut-être rentrer plus en profondeur, puisque là pour l'instant on a survolé le truc. Mais ouais, les films d'animation japonais. Bah, je crois que le premier film que je suis allé voir au cinéma de toute ma vie, c'était pas le... du tout un film d'animation japonaise. C'était il me rien vie. À voir, c'était Wall-E. Je sais même pas pourquoi je dis ça. Bizarre, d'ailleurs. Non, c'était Le Château ambulant de Miyazaki. Très très bon film d'ailleurs. Je pense que c'est mon Miyazaki préféré. Mm-hmm. Non, c'est Le Voyage de Chihiro. Je dis n'importe quoi. Je suis pas dans ta tête. Hein. Y a pas de, y a pas de... Attends, je demande au gars dans ma tête. C'était quoi le Miyazaki préféré qu'on a? Le Château ambulant. Ah, t'es sûr? Oui. Non, je crois que c'est plutôt Le Voyage de Chihiro. Bon, écoute, tu vas pas commencer à me faire chier. Quand je m'énerve, j'ai le nez bouché. C'est toute la morve descend. Quand tu l'es énervé. Bref. Voilà. Et qu'est-ce qu'on se marre, non? On se marre. Tellement bah, la mort, les déjà. Gars, on se marre. Et donc, je disais, Le Voyage de Chihiro. T'avais aussi Mon Voisin Totoro, oui. Princesse Mononoke, je pense que j'aimais beaucoup quand j'étais petit, mais ça fait très longtemps que je n'ai pas vu. Comme ça, t'as regardé Princesse Mononoke quand t'étais petit? Il est horrible, il est hyper violent, j'en fais encore des cauchemars. Bah ouais, mais moi j'étais un enfant... Mais la scène où t'as genre les verres qui sortent Je peux pas dire, je m'en rappelle pas. Mais je pense que mes parents me le mettaient et ils s'en rappelaient plus, ils faisaient « Oh, c'est un dessin animé, c'est pour les enfants, allez !» Alors, et puis ils partaient. Bah, ils l'ont fait regarder Millennium juste après. En vrai, moyennement pour les gosses. Ouais, il est vénère. Il y a du sang et tout. Je me rappelle. Il y a du sang. Il y a du sang. C'est tout. Mais non, mais c'est l'endroit d'où il sort le sang qui est. Quand t'as 5 ans, le sang. Ça va, t'en manques. Quand t'as un petit bobo, déjà, t'es là, tu pleures. Putain, les gamins. Eh oh, les chouineurs, là, ça va. Les bébés d'hom. Et ça, c'est la génération de la France, ça? Bah, non, je crois pas. Génération de la France. Ça veut rien dire. Non. Je tente un truc et j'ai oublié la fin de la phrase en parlant. On va finir comme c'est, on peut. C'est de l'impro. Écoute, et du coup, ce que je disais, je vais finir sur. Mais parce que personne n'a parlé d'Akira. Bah si. Si, dans ma tête. Parce que je l'ai pas vu. Dans ma tête. Parce que je l'ai pas vu, ça aide. Non, mais toi, est-ce compris, qu'il fallait citer tous les films qu'on a vus? C'est ça, mais tu es une auditrice du podcast d'habitude. Non, pas du tout, je crois pas. Si, j'en ai vu. Quelques épisodes. Ah bah oui, si elle en a vu, c'est qu'elle n'écoute pas. Parce bah que... Alors du coup, on cite un peu tous les films qu'on a vus. Ah bon, bah alors du coup, j'ai vu Akira, Ghost in the Shell, Ghost in the Shell 2, Paprika. Non, pas tous. Mais... Bah, alors, je sais pas, il faut savoir, il faut faire les règles. Ouais, mais on en parle un peu. Bon bah voilà. Voilà, mais on s'attarde un peu sur chaque... Voilà, bon, sur allez, quelques films. Du coup, je vais le faire. D'accord. Okay, vas-y, Théophile, donne l'exemple. Parlons du tombeau des Lucioles, par exemple. Bah, j'ai ouais, pas vu. Ouais, bah, moi, j'ai vu, apparemment, il y a des Lucioles, elles se sentent pas très bien, elles meurent. C'est pas du tout ça. Il y a un tombeau, après. Non, mais parce que, voilà, l'animation japonaise, c'est riche. Mm-hmm. Pas en termes pécuniers, mais plutôt en termes culturels. Pécuniers, l'argent. Oui, non mais oui. Pas les fleurs. C'est pas des fleurs. Les pécunias. Les pécunianes. Je suis fatigué. En soi, l'animation japonaise, il y a énormément de films. Enfin, c'est tout un pan artistique où il y en a qui sont très clairement pour un public adulte. Typiquement, le tombeau des Lucioles, c'est pour parler de la Seconde Guerre mondiale et de bombes nucléaires qui mais sont tombées sur le Japon. Mais tu peux être enfant quand tu le vois. Oui, oui, mais tu as des parents irresponsables. Premièrement, Léo. Et surtout, en fait, tu vas passer à côté de toute une partie du message où tu peux le voir quand t'es enfant parce que bah, le film, c'est vraiment deux enfants de 4 et 8 ans. Il n'y a pas double lecture. Il y a énormément de sens de lecture, de niveau de lecture, mais il y a... Enfin, si tu lis... Enfin, si tu regardes les actualités quand t'as genre 8 ans, tu vas... pas comprendre autant de choses, autant d'enjeux qui ont lieu. Perso, à 8 ans, j'ai voté pour Chirac. Après, ah ouais, moi j'étais plus... Ouais. Le droit de vote, il a 18 ans. Coty. C'est la team premier degré, bonsoir. Ah putain, on a invité quelqu'un de la team premier degré, excusez-moi. Bah au moins, tout le monde sera représenté. Je sais même plus qui c'était. Ah bah, c'était en face de Chirac, c'était Le Pen. Donc non, en 2002, j'ai voté. Oui. Ouais, j'ai voté. Oui. J'ai pas voté Le Pen. J'avais pas 8 ans, par contre. J'avais 5 ans, mais bon. Voilà. 2000 Oui. Oh. C'est pas c'est, grave, ok. C'est un bébé, le bébé, regardez-le. Hey, Kadom, pointez-le tous du doigt, il est né en 2000, le bébé. Yes. Eh, hey, toi, t'as pas vécu. T'as pas connu le franc, toi. Si. Merci. Ouais, si. les films cinéma. Je ne sais le pas le comment. Cinéma. Le cinéma. Léo parle un peu. Oui, je parle un peu. non, mais du thème, parce que. S'il te plaît. Du thème. L'animation japonaise. Oui, ah, oui putain, oui. Non, bah, moi je pense avoir les mêmes références qu'Elsa. Même s'il y a deux films qu'elle a cités que j'ai pas vu. Parce que j'ai la flemme. C'est quoi lesquels que t'as pas vu Ghost in the Shell 2. T'as pas vu? Non, Paprika. Ah, le 2. Paprika non plus. J'ai pas vu non plus. Mais j'ai vu Perfect Blue. Et c'était très vu. Bien. Il bah faut voilà. Que je le vois. Perfect yes, on fait une super team. Yes. Et non, et Perfect Blue, ouais, ça m'a grave marqué. Bah, venez, on se le mat là. Ah, bah, allez, viens, on se le mat. Soir entre copains. Bah, c'est pas mal. Moi, j'ai bien aimé. Vous avez bien aimé Perfect oui, Blue sinon, Akira, oui, j'avais bien aimé aussi. Enfin, oui, c'est très très bien. Et, ouais. C'est surtout techniquement incroyable. C'est techniquement incroyable. Ça se sert de l'animation comme jamais. Oui, on peut le dire. Oui. Et le film Détective Conan, qu'est-ce que c'est... vous en pensez du film Détective Conan? Je n'ai pas vu. Je sais pas, mais je sais que Détective Conan, ça fait genre 30 ans que la série a commencé, je crois, et que c'est toujours pas fini. Oui. Ouais, bah, mais le manga non plus n'est pas fini. Ah, mais oui, je voulais dire le manga en fait. Ouais, c'est ouais, pas ouais, ça que je voulais la dire. La série manga quoi. La série ouais. littéraire. Par contre, là, oui, on parle de manga, c'est pas du tout le thème. Merci, on se recentre. C'est pas le thème, c'est pas tout ce qui est japonais, c'est. Mais c'est non, pas mais spécial c'est... Japon. Techniquement, c'est... Nausicaa, c'est un super film d'animation japonaise, mais le manga Nausicaa est d'autant plus important. Eh oui. Parce que littéralement, le film, c'est le premier volume. Je m'énervais pas vraiment, c'était une blague. Okay. Non, mais c'est pas grave. Ok, bon, on te pardonne. Des thèmes, non. Des coups de bouche dans le micro. on a pas mal parlé de films japonais, ouais. d'animation pas japonaise. Pas tant que ça, mais. On n'a pas tant que ça parlé, mais j'ai l'impression qu'il n'y en a pas tant que ça. Mais c'est parce que, en fait, le truc, c'est que c'est. Tout, on voit pas en France, il y a tous les films. Oui, c'est qu'on est tous ici très blancs aussi et que c'est pas vraiment notre culture. Donc, ouais, bon. Mais oui, surtout, oui y a, on n'est pas japonais, mais. Dans la globalité en France, on n'a pas accès aussi facilement que là-bas à tous les films. Voilà, c'est ça, c'est que là-bas, il y en a plein qui. Enfin, évidemment, là-bas, il y en a plein qui sortent. Mais ok, très bien d'ailleurs, que c'est Summer Wars. Oui, apparemment, c'est très bien. C'est génial. D'ailleurs, le Japon serait le pays où il y a le plus de films d'animation japonaise. Hein. Ouais, et tu sais qu'au Japon, il y a un gars, il s'est marié avec sa déesse. Qui ouf. Les Japonais, il faut sortir un peu dehors aux États-Unis, il y a un chien qui est mère, donc bon. Ouais, bah moi je préfère un chien mère qu'un mec, il est mère et il est marié avec sa déesse. De toute façon, leur président, ça veut dire quoi c'est lui qui dit qu'il est. Il doit faire des lois, il joue à Mario. Bah super, allez. Waouh. Oh là là là là. Ça se voit que c'est la nuit là. Vous pensez quoi de Your Name? Qui a vu Your Name? Moi, je l'ai vu avec toi. Call Me by Your Name. Je l'ai vu avec toi, trou de balle. Que dalle. Si, quand tu m'as hébergé quand j'étais SD. Ah, c'est vrai. On avait oublié ce passage de ta vie. On a oublié ce passage de ma vie. C'est vrai que je l'ai hébergé et qu'on avait vu Your Name. Bah, on a surtout parlé de films un peu qui ont un peu quelques années maintenant. Enfin, à part les Miyazaki. Mais genre Akira, ça a 30 ans. Ça a 20 ans. Non, 30 ans. 30 ans, oui. 30 ans. Oui. Même Le Tombeau des Lucioles, c'est 30 ans pareil. Perfect Blue, il y a Louis qui s'éclate. Il y a Louis qui passe un appel. Perfect Blue, je crois que c'est le début des années 2000. Moi, ouais, c'est le 95. Perfect Blue, Ah oui, peut-être. 95. Ouais. Je balance une date comme ça. Je sais pas, peut-être. Mais en tout cas, du coup, c'est des films qui ont quelques années. Mais récemment, il y en a pas mal qui sont sortis. Enfin, oui, genre, il y a Ma petite sœur Mireille qui était vachement bien. Ouais, par exemple. Alors, est-ce que j'en ai vu récemment, moi. Le garçon et la bête. Mireille, elle a un angiome sur la main et moi aussi j'ai un angiome et du coup ça m'a touché. Qu'est-ce qu'un angiome? C'est pas une tache de naissance? Exactement. Mais genre, c'est ce que j'ai là. Ah, je crois que c'est une accumulation de sang. C'est un lymphome non métastasé. Ouais, c'est exactement la phrase que j'allais dire. Beaucoup de mots à plus de 3 syllabes, j'étais perdu. En gros, c'est des cellules cancéreuses mais qui sont pas cancéreuses. D'accord. Oui. D'ailleurs, Michel Simès est là pour nous en parler. Bonjour Michel. Mais tu l'imites sans connaître sa voix. Remets tes chaussures, par contre, s'il te plaît. Je n'ai pas pris mes tongs avec moi, vous m'excuserez. Il est beau avoir plein de pollen et compagnie, là je sens. Ah, ok. J'allais dire un truc, mais ça m'a complètement sorti. Ouais, c'est ça, t'as commencé à parler de Michel Simès. Non, je voulais parler, oui, des films récents, mais genre par exemple Le Garçon et la Bête, qui l'a vu? Pas vu personne? Non, j'ai vu. c'est Ame et Yuki, les enfants loups, je crois, le film précédent. Ouais, les enfants loups. J'ai pas vu non plus. Qui est vachement chouette. On a tous vu des films différents. Mais c'est oh là là! Mais alors, en fait, là, je viens de me rendre compte qu'on a fait que faire du name dropping, mais on n'a pas expliqué. Ouais, c'est vrai. On n'a pas expliqué quoi. Parce que là, Antonin, je pense qu'il est du père. Ouais. Moi, je suis. Vas-y, ça raconte quoi, Akira? Akira? Selon toi, allez hop, petit jeu, ça raconte quoi, Akira? Allez, un titre, tu racontes l'histoire. Allez, en vrai, si tu gagnes, alors, on paye ton loyer pendant 20 ans. Enfin, non, pendant 2 semaines. Non, 20 ans. Du coup, on paye pas. Ok, bah. Okay, nous, c'est énergie, on est plein de thunes. Yes. Non, mais moi, je connais à peu près. En fait, je connais de loin la culture cinématographique d'animation nippone. Mais, ouais. Mais je m'y connais pas tant que ça en termes de films. Ah ouais. Enfin, je les ai pas vus, quoi. Donc je peux survoler, mais pas rentrer dedans les détails. Ouais, en gros, tu peux genre garder la face en société et ensuite, une fois qu'on commence à te parler de films, tu commences à bégayer fort et tu pagayes. Ouais. Le mec, ouais. Il bégaye. Non, il n'y a pas de vanne. Non. Quoi? Pas de vanne. Hein. Pas de vanne. C'est pas marrant. C'est une maladie. C'est pas... Non, on rigole pas. Bah, c'est vrai. Ouais. c'est vrai en plus. Bah oui, non, oui. Mais alors, du coup, il faut qu'on parle d'Akira, qu'on explique pour les auditeurs. Bon, ça va, c'est un peu compliqué, Akira. Non, c'est très compliqué, Akira, mais on peut dire que ça a mis les bases pour, genre pour la science-fiction. Ouais. Même dans le monde, enfin même pour le monde occidental, quoi. Oui, ça genre, a influencé énormément. Oui, oui. Ça a été une influence. même universel, j'ai envie de dire. Je même crois galactique, que... je pense. Galactique, ouais. Je crois qu'il y a des gens sur la planète B12. Sur Xenium 1004. C'est pas du tout une planète. C'est la planète vitamine B12. C'est la planète des véganes. Ils sont tous sur la planète B12. Ah putain, waouh. Vous avez pas la ref? Non, si, bien sûr. C'est un truc dans la viande vegan. Que tu... Si, c'est un truc qu'ils injectent dans la viande en plus. Oui. Non, ils injectent pas dans la viande. Si, ils en mettent en plus. Ah, ils injectent dans la viande. Oui, bah oui, c'est pour ça que genre, les personnes qui mangent de la viande ou des produits d'origine animale en ont. Puisque bah, du coup, c'est des suppléments. C'est et que du les... coup, quand t'es vegan, comme tu manges pas de produits d'origine animale, tu n'as pas cette injection. Cet apport. Oui, mais c'est naturellement dans la viande. Non, pas en quantité suffisante. Et bienvenue dans le podcast Abattoir Nuit. Allez, hop, c'est parti. Aujourd'hui, on va couper des têtes de porc. Allez, c'est parti. Akira, donc. Akira. On va finir par en parler. Putain, c'est compliqué, hein. Bah, c'est pour une fois que c'est la nuit. Bon courage, pour une fois que c'est la nuit, on est vraiment fatigué. Y a pas de montage, hein. Et ça va être mis comme ça sur Internet direct. Mais ouais, hein. Non, mais t'es un malade. Ah, d'accord. Ouais, vous êtes vraiment des feignards, ça. Oui. Donc je peux balancer toutes les personnes que j'aime pas et tout. Ça sera sur Internet. En tout cas, je vais très certainement pas le biper. donc tu fais comme tu veux après. Okay. Non, mais je pense qu'on a fait le tour. Non, mais voilà. Non, mais en gros, on a pas du tout fait le tour, mais on a évité le fait de parler d'Akira. Un dixième de tour. Non, bon, ok. Akira, c'est une histoire très compliquée. Je vous conseille de le voir. C'est sur Netflix. Parce que c'est magnifique. C'est sur Netflix. C'est très joli. C'est plus sur Netflix. Chips, tu peux plus parler. Tu peux reparler parce qu'on est dans un podcast quand même. Et c'est ouais, c'est une histoire d'un mec, il a des pouvoirs quoi. Bah, bref. Ça a l'air très très nul. Ghost in the Shell ouais. aussi, très très bien. Très voilà. très compliqué hein. Le seul film que Ghost in the Shell globalement, en fait. C'est sur c'est Matrix. Si vous avez lu le c'est le transhumanisme. Mais, ouais, c'est ça. Il y a un côté un peu c'est en gros, c'est le questionnement sur qu'est-ce que l'humanité ou la où l'humanité s'arrête, ça rejoint un peu le manga Gundam, si vous l'avez lu, oui. ou Alita Battle Angel. C'est, ah oui, c'est le film de James Cameron, là, oui. qui non. a été voilà, inspiré de Gundam. Non, c'est Rodriguez. C'est ce que je viens de dire. Ah, oui. Mais c'est non, les producteurs. C'est sponsorisé. Oui. De Titanic. C'est, il fait un placement de produit. Mais globalement, Ghost in the Shell, voilà, c'est sur le questionnement sur l'humanité et quoi. Les machines. Et du coup, voilà, c'est si t'es ouais. Soit un humain augmenté, soit t'as des prothèses, est-ce que tu peux toujours te considérer comme humain? Est-ce que... C'est un peu le problème du bateau. Si on remplace. Non, oui, si, si, je vois ce qu'il veut dire. Si on remplace une planche par une. Bateau en gros, t'as un bateau. Moi, j'ai le rêve du bateau dans Ghost in the Shell. Tu remplaces une planche par une neuve parce qu'il commence à être abîmé ouais. et tu le refais de plus en plus et à la fin c'est plus aucune plus du tout les mêmes planches de bois pour d'origine. Le bateau et on décide même de bâtir un nouveau bateau avec les anciennes planches qui étaient usées, lequel est le bateau d'origine? Voilà, c'est un peu la question que pose le film. OK. Non mais je te demande pas d'y répondre ouais, parce ou que sinon c'est aussi en fait. La même ouais, c'est le même fait que genre techniquement au bout de 10 ans, tu as plus aucune cellule dans ton corps qui sont oui, les mêmes. Aussi. Mais que et que du coup globalement bah toi tu restes toujours la même personne parce que là on a tous plus ou moins 20 ans autour de cette table. Ouais. Non, pas du tout, j'ai 4 ans. Elle est très, et on a on applaudit Timothée qui nous a rejoint. Bonjour Timothée. Salut, ça va? Alors, je m'attendais tellement pas. C'est quoi ton dessin animé préféré, Timothée? Trop. Trop. Mais c'est pas japonais. Tu regardes Dragon Ball? Dragon Ball. Naruto, c'est ça? Naruto. One Piece. One Piece, ouais. One Piece, t'aimes bien, hein, oui. avec Luffy. Les pirates. Les pirates. Les pirates, ouais. Ouais, les pirates. Ouais, il a. C'est marrant, il a un corps qui s'allonge. Oh, la bite. Waouh. Timothée, Timothée a perdu son innocence là, waouh. Petit Timothée devient dragon. Bah, au revoir Timothée. Au revoir Timothée, il est parti. Ah, bah, Timothée. Bah, non, mais bah, il est parti, bah, trop tard, c'est pas grave. Non, moi je voulais aussi parler de Miyazaki quand même, parce que c'est quand même le grand. Le patron. Père ou le fils? Bah, le père. D'accord. Je pense qu'on est tous d'accord. Ou le Saint-Esprit. Parce que le fils a fait quoi? Le fils a fait. Le fils, il a fait les contes de Terre-Mère et. Nul. J'ai vu. Je sais pas. Il a pas vu. J'ai dit nul parce que j'ai entendu les contes de ta mère et j'étais vraiment très choqué. Les contes de terre-mère. Non, c'est vachement bien. Les contes de ta grand-mère là, voilà, tu sais. Oui. Et il en a fait un deuxième, attendez, je vais regarder. Bah, pendant ce temps, on va meubler. Très belle. Qui s'appelle commode avec une armoire IKEA. Non, mais c'est bon, genre, est-ce qu'il y a de y a internet ici, amovible. Tout à fait. La colline au coquelicot. Ah, la colline au coquelicot, évidemment que j'ai pas vu. Ça a rien à voir. Rien à voir. Est-ce qu'on n'est pas en train de faire une émission sur des films qu'on n'a pas vus? Allez. Bah moi, en non, tout vous cas, faites oui. une émission sur les films que vous n'avez pas vus. Léo, c'est et pas moi, la peine de me prendre de haut. Tu l'as vu La Colline au Coquelicot, Léo? Non, pas du tout. J'ai vu La Falaise au Pétunia, mais c'était moins bien. Pogneux sur La Falaise au Pétunia. C'est ça. Non, mais genre Miyazaki. Le Mont aux Violettes. Oui. De suite. Miyazaki, le père. En vrai, on a tous. Sauf Antonin, du coup, mais grandi avec. Moi, j'ai pas grandi, hein, tant que ça. Bon. Alors, parce que la blague, c'est que Léo est assez petit. Non, mais on a tous grandi, je crois, avec les films de Miyazaki. Oui, plus ou moins. Que oui. ce soit oui. Le Voyage de Chihiro. Bah, Totoro. Totoro. Eh, hey, Totoro non, en vrai, c'est... Totoro non. En vrai. Eh, il y a un château dans le ciel. C'est un chat, genre. Je sais pas si vous avez vu mais le oui. film, il y a un bus et un chat. Non, alors, moi, ce que j'ai retenu de Totoro, c'est qu'il habite à côté de la petite fille. Et du coup, mon voisin Totoro. Ah, yes, parce qu'il a fait une blague en fait. Ah, putain. Bah, c'est un humoriste le mec. Le gars est fort. Mais le gars, il fait que des blagues. Si blague. C'est là, pas oh, drôle. Ouais. Aïe, aïe, aïe, ça le touche si en plein cœur. Pourquoi c'est pas drôle? Ben, c'est les humoristes français. Hein. Quand ça parle pas de minorité, hein, c'est pas. C'est pas Bon bah du coup on remplace Antonin par Michel Leb. Fabrice Eboué. Bonjour Fabrice. Les jeunes. Vous vous branlez ou quoi? ils ont jamais souffert, oh la guerre. Si vous n'avez pas la rêve de Fabrice Eboué, allez voir sur internet et vous vous rendrez compte vous-même. Il est vieux. Qu'il est vieux. Ouais, il est vieux. Non mais du coup on a toujours pas parlé de Miyazaki, mais genre c'est quoi votre film d'animation japonais préféré? Bah t'es con, je viens de te le dire, je l'ai dit il y a 10 minutes. J'ai dit que c'était Perfect Blue et Akira. Là j'ai pas, ok. D'accord. Qui ne sont pas des Miyazaki. Bah du coup je vais pas te demander à toi Antonin, sauf que tu vas me répondre le seul que t'as vu. Bah moi le seul que j'ai vu en gros c'est Ghost in the Shell. Hein, donc c'est celui qu'il préfère et celui qu'il déteste en même temps, c'est ça qui est original avec Antonin. Mais mauvais et très bon. Waouh, allez. Et Elsa? J'aime beaucoup Akira, effectivement, aussi. D'ailleurs, à la base, comme tu as reporté la séance plusieurs fois, j'avais acheté exprès un t-shirt Akira et j'étais trop fière. Et quand le jour même, tu m'as dit on fait pas le podcast ce soir, genre j'avais mon t-shirt Akira et j'étais super triste. Ah non, mais c'est celui que t'as en plus, tu l'as publié sur Twitter, oui, j'ai vu. Coup, oh là là. Ah oui, il était trop stylé. Mais il est super. C'est con parce que c'est un podcast audio. Quoi, mais... Ouais, c'est... après, ça ouais mais ça aurait été rigolo pour vous, tu vois. Genre, j'ai fait l'effort de mettre Moi, je m'en bats les couilles de rigoler en fait. Moi, je fais ça pour l'audience, ok? Moi, je fais ça pour l'argent. Non, bah, d'ailleurs, on est sponsorisé par Durex. Durex nous sponsorise. Pas du tout. Durex, spécial goût framboise. Mais en sinon, exclusivité chez votre marchand de journaux. À part Akira, j'aime beaucoup mais le coup, château dans le ciel. Le château dans le ciel. Ah, okay. J'ai revu récemment, c'est vrai que c'était bien. C'est un des premiers, en fait, Miyazaki... Pas pour les enfants, dans le sens où Totoro, c'est vraiment axé pour un jeune public. Alors, en fait, si je peux faire le relou, c'est son troisième film, donc Totoro, ça vient après. Quoi? Bah, ça reste axé pour un jeune public, connard. Oui. T'as dit c'est un des premiers, et non. Bah, c'est un des premiers. Oui, mais c'est... Bah, ça dépend, tu prends un des premiers, c'est jusqu'à quand? Parce que ça peut être jusqu'au 10e, ça peut être jusqu'au 20e. Bah, non, c'est... mais c'est un des premiers que j'ai vu qui n'était pas axé jeune public. Putain, est-ce que je peux finir mes phrases? Merde. Ok, bon. Mais que sinon il a aussi fait genre, enfin il a participé à Panda Petit Panda, qui est le premier film que j'ai vu au cinéma. Oh. Ah. Quand j'avais 3 ans, c'était une VO non STFR. De toute façon, j'avais 3 ans, je ne pouvais pas lire. Oui. Et tu donc en même fait, pas le français à 3 ans. Enfin, je sais pas en fait. Si c'est en VO, ça veut dire que c'était en japonais. Moi j'étais vraiment stupide en fait comme enfant, donc c'est pour non, ça que je ne parlais pas. Moi je savais lire. J'ai commencé à parler à 11 ans. Il s'en sert très très mal. Mais depuis, que du coup voilà, Le Château dans le ciel, c'était un des premiers films où il y a des thématiques assez adultes, parce que ça parle de la guerre, de jeux de pouvoir, de des possessions, de trône et compagnie. Mmh. Tu vois, genre c'est pas un truc hyper léger quand t'es gamin que j'ai vu. J'ai dû voir ça vers 7-8 ans. Ouais, pareil, je crois. Même un peu plus tôt. Ouais. Ok. Moi j'ai deux petits frères, donc les films genre pour grands je les ai vus plus tard parce que j'ai pas choper mes petits frères. Je me doute. Et du coup toi Antonin, c'est quoi ton film d'animation? Ghost in the Shell. Il l'a littéralement dit il y a 3 minutes. Mais moi je... Bah, attends, moi je veux bien répondre, mais c'est toujours la même réponse. C'est pas... En fait, tu sais, il a muté Antonin, donc il entend pas sa réponse. Ah non, mais c'est là qu'on fait pour... Ah, excuse-moi, t'étais... Arrête, parce que ça c'est mon retour. Et du coup je t'entends très très fort. Je t'entendais pas, mais c'est bon. Et du coup, moi, je vais dire le mien, puisque personne ne me demande, je me le demande à moi-même. Et toi, Théophile? Oh, merci. Bah, moi, c'est Le Voyage de Chiron. T'as des goûts de merde. Arrête. Non, je déconne, pardon. Le Voyage de Chiron, c'est ouf. Franchement, j'étais en train d'hésiter entre Voyage de Chiron, Château ambulant et Château dans le ciel. Mais... Parce que, en vrai, Akira, c'est très bien, mais Le Voyage de Chiron. Ouais. C'était clivant comme phrase. Moi, je préfère Ghost in the Shell. Ouais, je suis clivant, moi. Mais. Bah, c'est vrai. Non, mais c'est mon avis, hein. Ça n'engage que moi. Alors, ok, on fait une battle. Le voyage de Chihiro. Ok, danse. Le voyage de Chihiro contre Ghost in the Shell. Je n'ai pas d'argument, c'est le seul. Léo Beatbox. Non. Ok. Bon, on va passer au jeu. Ah oui, le jeu, oui. Alors, le jeu, je vais vous le donner en mille. Il s'appelle Allociné Quiz. En fait, t'as pas la blague. En fait, c'est juste Allociné et Quiz, en fait. Parce que, en fait, je prends des... Parce que c'est drôle. Parce que je prends des critiques sur Allociné. Ah là, il touche énormément le micro, c'est très dérangeant. Je prends des quiz sur Allociné et le but, c'est que vous... Salope. C'est que... laissez-moi finir, quand même. Tu prends des quiz sur Allociné et... C'est fou, on est où, là? Tu prends des commentaires sur Allociné, il faut qu'on devine... Vous deviniez le film. Et c'est que des films d'animation japonaise, à part le camping dedans, mais... Ah, il n'y a pas camping. J'ai pas dit ça. J'espère que t'as mis une vanne comme j'ai fait moi, parce que... Alors non, mais j'aime bien jouer à des jeux, mais... Le premier film, c'est... Non, je vais pas le dire. C'est trop... Je vais lire avec des voix. C'est mieux. C'est mieux, ouais. Des petites voix. Non, mais je vais caricaturer un peu le son de la personne. J'ai l'impression que c'est pas trop de racisme, non, c'est pas... Mais non, mais... Non, mais je vais pas faire un... Non, je vais caricaturer en mode personnage, parce que moi, vous savez, je suis un peu comédien aussi à mes heures. Oui, et tu fileras ta bande démo après, oui, vas-y. Oui, c'est ça. Théophilovigne.com Vimeo.com/Théophilovigne Alors, c'était super triste. Il m'a fait un regard méchant à l'oral également. Je crois qu'il va falloir qu'on vérifie ce lien, parce qu'à mon avis, il y a des trucs cool dessus. Du coup. Oui. Certes, le film est doté de l'animation la plus impressionnante que j'ai pu voir pour un dessin animé traditionnel. C'est pas Akira, je pense. Mais comme la plupart des films des films de ce réalisateur, l'histoire et l'univers de ces films ne me bottent pas. Son univers onirique ne m'enchante pas. Je trouve même ses goûts flippants pour son âge. Enfin, tous les goûts sont dans la nature, comme on dit. Ça veut dire que c'est un vieux, donc c'est Miyazaki en fin de vie. Mais non, mais le réalisateur, parce qu'il dit pour son âge. Ouais, dit alors, pour son âge. Attends. Moi je vous donne les indices, vous le démerdez parce que je suis pas en 2012. Ok, c'est le film 2012. Je pense. Putain, c'est ça. Non, mais j'en ai plein pour ça. Alors attends, c'est okay. T'as lu tout le commentaire en entier là? Ouais, là c'était tout le commentaire. Mais enfin, tous les goûts sont dans la nature. Mais enfin, ouais, c'est ça, moi ça me fait trop rire. Enfin, tous les goûts sont dans la nature, hein, comme on dit. Comme on dit. Parce que... C'est un Miyazaki du coup, ou pas? Oui, je pense, ouais. Bah, c'est... je sais pas. C'est le voyage moi, de Chihiro que... Et c'est exact. Sérieux? Putain, un point pour l'Algérie. Moi, toi, tu faisais que des, des pays européens. Des pays, Attends, tu peux le relire maintenant qu'on sait que c'est Chihiro? Certes, le film est doté de l'animation la plus impressionnante que j'ai pu voir pour un dessin animé traditionnel, mais comme la plupart des Miyazaki, l'histoire et l'univers de ses films ne me bottent pas. Son univers onirique ne m'enchante pas, je trouve même ses goûts flippants pour son âge. Enfin, tous les goûts sont dans la nature, comme on dit. Son univers onirique ne m'enchante pas. Mais il dit ne me botte pas. C'est joli. Non, ne me botte pas. Oui, il dit. Non, mais ça veut dire qu'il fait un très joli. Cet univers poétique est complètement nul à chier. Mais du coup, j'arrive. Il reconnaît que c'est super, mais que lui, c'est pas son truc. Sur les monstres et compagnie, je peux voir Chihiro, mais genre, il a des goûts de merde. J'ai vraiment 6. Monstres et compagnie, c'est un film par contre, donc. Pixar. Mais en vrai, j'en ai 6. J'en ai 6 sur ce. Non, attends. 5 sur ce film. Ouais, mais. Je vais peut-être. Non mais moi j'ai prévu large. Disons un deuxième peut-être. Mais je vais en lire ton préféré. Juste allez. Des petits extraits des autres qui sont vraiment marrants. Genre t'as le pire film d'animation que j'ai jamais vu. Si vous aimez l'univers DreamWorks, vous ne pourrez que détester ce film. Bah oui. Genre... C'est vrai que j'ai beaucoup si aimé les trolls. Si vous aimez Madagascar, passez votre chemin. Non vraiment. Genre... Après, c'est sur Chihiro aussi. Il continue. Mon premier film d'animation pour Bobo Pseudo Intello. Je ne pensais pas que ça existait. J'ai l'impression de ne pas avoir vu le même film. C'est quoi ces blancs là? La fin parachève de la niaiserie de l'ensemble. Voilà, donc ça c'était le deuxième commentaire. Et il y en avait un qui dit j'ai largement préféré le peu connu Gochou le violoncelliste. L'histoire était 100 fois plus intéressante et réussie. Ah, ce mais film non, n'a mais aucun je rapport. Je le connais, c'est François Puriste. Je le connais. Ouais, c'est François Puriste. Non, mais Gochou le violoncelliste qui n'a aucun rapport avec le voyage de Chihiro. Gochou le violoncelliste. Allez, c'est. Tous les samedis en manif. Un gilet jaune, non, mais en gilet plus, jaune. Après, il compare le Miyazaki. Le gilet jaune. Avec le violoncelle. Le gilet jaune. Vraiment, genre il fait. Après, il continue avec. Je comprends pas comment Miyazaki a pu faire son beurre avec de telles navettes, tout comme la dénuée de talent J.K. Rowling. Je sais, aucun rapport. Je sais. Enfin, je le reconnais, cet argument n'a aucun sens. Je le reconnais, je dis de la merde. Ah oui. Mais j'aime le dire. J'en ai deux. Il y a quand même des commentaires positifs ou pas? Parce que ouais, c'est là j'en ai un positif. Okay. Il est magistral. Sur Chihiro ou sur un autre? Ouais, ouais. Le voyage de Chihiro avec un S est l'un Chihiro. Des nombreux chefs-d'œuvre de Miyazaki. Je le recommande fortement. De plus, il nous montre que l'abstraction est parfois une force. Ça ne veut rien dire. Ah oui, c'est bien. Merci. C'est Pierre Branle-Couille. J'adore. Tu peux continuer de faire ça. Ouais. Inventer des noms pour tous, okay. S'il te plaît. Ça me fait extrêmement rire. Et le dernier, je crois qu'il est pas, si drôle. Juste, il compare Miyazaki à Disney. Ah encore. Bah ouais. Du coup, voilà, je comprends pas. Étienne n'a pas compris. Voilà. Étienne n'a pas compris. Étienne n'a pas compris le principe. C'est sa chaîne YouTube. Après, yo, tout le monde, Étienne n'a pas compris. Étienne n'a pas compris. Deuxième film. Ouais. Est-ce que tu me fais un jingle pour le deuxième film? Ok. C'était Côte du Rhône. C'était... Qui est là? Ah, il est fort en entrée. Impro, c'est Akira. John. Peux-tu lire le commentaire? Ouais, c'est le commentaire. On se fait chier. Un peu. Attends. Je suis ravi d'être là, hein, vous inquiétez pas. Je connais pas du tout le manga d'origine, et si j'ai regardé, c'est uniquement parce qu'il a la réputation d'être un des plus grands films du cinéma d'animation japonais. Ça, c'est Akira. Ouais, c'est les cool. Premières minutes posent bien le décor, et il y a une ou deux séquences de fusillade qui sont franchement pas mal. Donc, une fois le décor bien posé, bah rien. Le chaos règne dans l'histoire, ok, mais le problème, c'est qu'il règne surtout dans l'écriture de l'histoire. Mais aussi que c'est le même personnage. Bon, bah bref. Tout ça pour dire qu'au bout de quelques minutes, ça part totalement en live, on n'y comprend rien, et au bout d'un moment, on finit par s'en foutre de n'y rien comprendre. Bref, on s'emmerde, et on se demande comment un tel machin peut avoir une telle réputation. C'est Jean-Michel énervé. Ouais, c'est... Il est vraiment énervé contre ce film, non, mais je qui le est adapté d'un manga. Bah, c'est Akira. Qui est adapté d'un manga. C'est pas Akira, c'est Ghost in the Shell. Non, c'était Akira. Ok, ah. Bah, c'est Akira, du coup. Bah, j'ai gagné. Mais du coup, c'est pas Ghost in the Shell. Il y en a, genre, vraiment, Akira, il y en a... Vas-y. Il y en a deux qui me font rire. T'en as un qui fait, il est tout écrit en majuscule avec plein de fautes. Le caps lock, oh non. Est-ce qu'il y a le caps lock avec les chiffres parce qu'il a tapé Non. Mais oui, c'est ça, les 5 et non, même pas, il y a les accents. Belge, c'est caps lock avec accent en plus. Ah, le mec s'est fait chier. Ah, oui. Bah ouais, ah non, mais c'est un téléphone peut-être. Genre Akira, c'est un film d'animation japonais, sort en l'été 1988 et en France le 8 mai 1991. Je aime le film. Histoire du post-apocalyptique, c'est le grand spectacle jamais vu de film culte. Mais le comment arrive un jeune avec une pouvoir? Au moins, restez bon film d'animation japonais, sauf avec le séance de violent. Cette film ne pas apparaître du jeune public. C'est Denis Factuel. Tout à coup, il repasse en normal. Je pense que c'est un compatriote anglophone. C'est possible. C'est tout à fait possible. Oh ouais. Après, moi, je juge pas. C'est juste, ça m'a fait marrer quand je l'ai lu. Oui. Non, le caps lock soudain. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le caps lock qui s'arrête au milieu d'un mot. Ouais, c'est ça. Genre, celui-là, vraiment, il est en mode. Au moins. À rester bon film d'animation japonais. Mais j'imagine dans la vraie vie, parler comme ça. Genre. Non, je suis super énervé parce fait, que pas du tout ce que faute. Vous proposez, c'est complètement inadmissible. En vrai, ce qu'il a fait, c'est pas une faute. C'était vraiment l'intention. Il voulait y a arrêter le caps lock là. Ouais. Et le dernier qui me fait rire aussi, c'est. Il fait le meilleur dessin animé avec Ghost in the Shell, une grosse performance graphique, rien fait à l'ordi. Genre... c'est Lucien Manuel. Voilà. Troisième film. Tu m'étonnes. Troisième film. Ok. Troisième film. C'est rentré. Ok. Vraiment bon. 2 étoiles. Télérama. C'est Clément Indécis. Pas qui a fait le truc. C'est Clément Indécis. C'est le film d'animation japonaise Télérama. Oui, vous le connaissez pas. Ouais. Attends, vraiment bon, 2 étoiles. C'est pas la falaise au coquelicot là ou je sais pas quoi. Celui-là est très bon parce que il n'y a plus de ponctuation en plein milieu du truc. Ça fait encore un très bon opus. Mais l'histoire est un peu spéciale et bizarre sans histoire aussi noire que le premier, mais qui reste une histoire sympathique. Ghost in the Shell 2. Il fait du slam, le mec. Non, ouais. C'est pas ça, c'est pas Ghost in the Shell 2. Du coup, je vais vous dire comment, en fait, enfin, genre, il y a. Je vais pas poser parce qu'il y a le nom du film là. en fait, le film s'appelle Le sort des Arbis. Normalement, vous l'avez pas. Non. Mais faut en gros le. Enfin, c'est. Le sous-titre, c'est Le sort des Arbis. Mais normalement, vous avez le. C'est pas le jeu vidéo. Le sort des Arbis, troisième film relatif à la série 1-1-1, okay. Offre une véritable dimension dramatique et donne plus de profondeur aux personnages principaux de la série. Bon, on nous sert toujours Pokémon. Un paquet de clichés. Oui! C'est Pokémon 3, le sort Arbis, des Arbis. Les Arbis, c'est les Pokémon en forme de lettres, pardon. Oui. Pas, bon. Wow. Il y a vraiment des films Pokémon. Il y a des films Pokémon. Il y en a plein, il y en a une pleine plateau. En plus, c'est tous réalisés par le même gars. Non, ouais, sauf le dernier qui est sorti au cinéma. Bah, sauf le dernier qui est sorti au cinéma. Parce que visiblement, c'est un meilleur film. Donc... Ça me fait rire parce que dans le dernier, il y a écrit spoiler. Et tu sais, normalement, sur Allociné, t'as spoiler, c'est grisé. Ouais, sauf que lui, il n'y avait que le mot spoiler qui était grisé. Et le spoiler était totalement lisible. Génial, j'adore. Du coup, voilà, ça m'a fait rire. Ensuite, film numéro 4, je crois. Wow. Numéro 4. Il y a 4 tocs parce qu'il y a 4 films. On avait trop bien. Ouais. Bon, ok, c'est pas la peine. Mais enfin. Je vous apprécie. Vous celui-là est bon. À mon avis, ce film est conçu pour générer des boucles de frustration qui s'amplifient jusqu'à leur paroxysme. Un non-sens logique suivi d'une impuissance devant la réalité incompréhensible et étouffante qui entoure Michel le personnage. Je conseille ce film aux romantiques qui aiment le drame, la fantaisie et l'anachronisme. Par contre, je n'ai personnellement pas réussi à apprécier ce film, vu l'absence flagrante de rationalité. Bah, c'est le cousin. Il précise à la fin, j'ai fait un bac S. Hein. J'ai fait un bac S spémat. C'est vrai ? C'est Michel Branle. Il précise pas ça. C'est Michel Branlecouille, en fait. Hein, c'est vous l'avez ou pas ? Non, vous l'avez pas. Je pourrais dire Paprika. C'est pas Paprika. Non. C'est mais je suis pas poivre. Sûr que vous l'ayez tous vu. C'est une autre du coup, je vais quand même faire la deuxième. Attends. Ouais, fais la deuxième. Je viens de regarder ce film et je ne comprends pas l'intrigue. Le film m'a donné mal au crâne car je ne trouve rien de logique à l'histoire. Les personnages sont deux personnes qui vivent de leur côté pour au final faire des rêves dans lesquels ils vivent la vie de l'autre. Si on veut, c'est bizarre. Il vient quand même de vous dire, je ne sais pas si vous l'avez vu alors que je lui ai rappelé au début qu'on l'a vu ensemble. Quand même. Ouais. Non mais les deux là, j'oublie. Le film mérite une étoile pour le côté artistique du film. Mais c'est tout, car l'histoire est incompréhensible. Il y a des images, je mets donc une étoile. Genre, l'histoire, ce n'est pas artistique. C'est comme quand vraiment... tu rendais ta copie, genre t'avais un demi-point pour avoir mis ton nom et la date. Parce qu'ils n'ont pas le droit de te mettre zéro si tu rends ta copie blanche. Et il finit sur... Même après l'avoir terminé, j'ai eu tellement de questions dans ma tête que j'ai préféré passer à autre chose que de me torturer les méninges. Lui, il a pas fait de bac S, voilà. Lui, c'est Jean-Michel, tu vas le dire. Quoi? C'est quoi son nom? Asbin. Michel Gros Con. Bon, non. Chacun simple son avis. Efficace. Chacun son avis. Droit au but, d'accord. Comme l'OM. En un vent Guingamp. Cinquième film et dernier film. Je vous le dis. Alors. Quoi? C'est une blague ce film. On m'avait dit qu'après l'avoir vu, je serais traumatisé, que je pleurerais toutes les larmes de mon corps. Ah bah c'est le tombeau. Eh bien c'est tout le contraire qui est arrivé. J'ai rigolé, pète. Je suis super une étoile. Genre vraiment. C'est le tombeau de Lucien. Oui, c'est le tombeau de Lucien. Mais genre le mec est vénère parce qu'il était pas traumatisé. Genre et ça me tue. Et j'arrive à sortir du film, je suis encore en vie, indécent. Vraiment il fait. Je me suis mais ennuyé à un point devant ce film et la fin m'a fait ni chaud ni froid. On s'y attend. Mais ouais, il y a rien de triste. Littéralement, c'est la scène d'ouverture, connard. Ouais. On s'y attend. Oui, on l'a déjà vu, oui, effectivement. On s'y attend de ouf, c'est le début. C'est le film en flashback, mais à la fin de Citizen Kane, il meurt, le mec, non? Mais oui, c'est ça. Oui, c'est le principe du film, en fait. Mais... Il n'y a rien de triste. Pourtant, Dieu sait que je suis bon public pour ce genre de film. Je dois dire, j'ai fait le Vietnam et la deux guerres du Golfe, putain. Pourquoi je ne chiale pas? Le roi c'est quand lion même mon histoire. Est beaucoup plus triste que cette daube. Le quoi? Le roi lion. Tu sais, le plagiat du roi Léo. Donc aucun rapport. Donnez-moi mon titre, oui. Non, le roi Léo, le juste après, oui, c'est le film d'animation japonaise. C'est vrai. Pour partir voilà. Dans une note un peu plus sérieuse. Ah yes, c'est un dernier c'est film. C'est un la bémol. C'est le même film. Non, c'est le même film. Okay. Mais c'est un dernier. C'est un la bémol qui a passé une licence de philosophie. C'est une note un peu sérieuse. Excusez-moi, monsieur bémol. Viens me citer un philosophe des Lumières. Raphaël Enthoven. Diderot. Freud. Non. Bah, monsieur, je me suis arrêté je me suis arrêté au bout de 2 mois. Hein, c'est... Vous n'avez pas votre licence. C'est ça la licence. Examen de licence, tu cites un philosophe. Ah, bah, il le donne maintenant le bac. Bah, et les licences, c'est pareil. Les licences. Mais il le donne en même temps que le bac. Bah, c'est en supplément. Genre, non, mais tu peux prendre, ils font 3 en 1, quoi, les gars. Oh. Supplément licence. Du coup, j'ai rien de supplément licence. Que je peux avoir double licence, s'il vous plaît. Quelqu'un ici a une licence. Non. Oui. Mention non, rat de... du cul, voilà, fallait aller en cours. Mention, pas de mention. Voilà. J'ai pas de licence, moi. J'ai pas encore eu le temps d'en faire. Il n'a pas son brevet parce qu'il est né en 2000. Et évidemment, là, on enregistre, on est quoi, en 2012 hein. Ouais. On a tellement d'avance, tu sais. Ouais. On est le 25 avril 2019. Et, non, mais du coup, le dernier, sur une note plus sérieuse, le dernier film. Mm-hmm. Non, commentaire. Mm-hmm. Parce que moi, là, je vais rentrer. Non, c'est bon. Il dit, je viens de voir ce film qui m'a tout simplement choqué au plus haut point. Oh. Il parle de la souffrance du Japon. Quand c'est le réalisateur des dizaines de millions de morts en Asie à cause du Japon, ce qui a conduit au bombardement. la politique du Japon qui consiste à ne pas prendre la responsabilité de... Tu veux le lire? J'arrive pas du tout à lire. Tu m'énerve. Je peux le recommencer au début? Ouais, recommence le début. Je viens de voir ce film qui m'a tout simplement choqué au plus haut point. Il parle de la souffrance du Japon. Quand c'est le réalisateur des dizaines de millions de morts en Asie à cause du Japon, ce qui a conduit au bombardement. Il est en mode freestyle, on dirait. Il fait. Il est à Planète Rap et genre il fait. Quand c'est le réalisateur des dizaines de millions de morts du Japon. Je pense qu'après cet épisode, quand il sera publié, on va isoler ce moment-là et on va mettre un type beat. Oui, please, pitié. On me donne un 120 ppm s'il vous plaît. Bref, du coup voilà. La politique du Japon qui consiste à ne pas prendre la responsabilité de leur acte est très dangereux. Normalement, mais il a dit dangereux. Ouais. Je suis métisse, ma mère est chinoise. Un mélange de couleurs. Et quand elle me parle des villes entières rasées par le Japon, qui en passant a tué plus de gens en Asie que le Shoah. D'ailleurs, la Shoah a très peu tué au Japon, hein, je rappelle. Ouais. Ce film me met vraiment mal à l'aise. Comment peut-on s'apitoyer sur son propre sort quand on a fait autant de mal? C'est vrai. Mais en gros, moi ça me rend ouf ce truc. Non mais genre il était pas vivant le gars. Non mais déjà il était pas vivant. Mais genre. Vous lisez encore le commentaire parce que là vous avez les mêmes voix que quand vous lisiez. Je viens de voir ce film. Mais alors, mais moi je trouve ça inadmissible ce commentaire. Je parle en bougeant beaucoup la tête. Je suis une poule. Une poule. Côte côte oh. Voilà et. Eh hey, le coq là! La poule! Eh hey, oh! Eh hey, j'ai fait des œufs! Tu veux une omelette? La poule! Waouh! Eh hey, la poule! Du coup, non mais parce que, enfin, genre, je trouve ça ouf de faire l'amalgame justement entre le Japon et les Japonais, parce que c'est pas parce que le Japon en tant qu'État a tué, a bombardé des villes. Oui, c'est comme en France! Tout. Oui, non mais voilà, c'est exactement. Genre après, alors. sous Vichy, il y avait des gens, franchement, ils étaient pas ouf contents, quoi. Non, genre. Mais même sans parler de Vichy, genre non, à l'heure actuelle, on bombarde la Syrie joyeusement. C'est pas pour autant qu'il y ait des gens qui ne souffrent pas en France. Exactement. Oui, voilà. C'est pas pour autant. Et c'est pas pour autant que c'est pas bien. De notre faute que Dassault envoie ses chars. C'est pas pour autant d'assaut. En Allemagne, il y avait. Je crois qu'en Allemagne, il y avait beaucoup de gens qui souffraient, par contre. Hein. Ouais. Pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà. C'est nazi, ça va. Mauvais exemple. Non, ça va pas si t'étais nazi, justement. Non, si t'es nazi, justement, tu souffrais moyen. T'étais plutôt bien. Si t'avais le 13ème mois. À l'époque, si t'étais nazi, je peux te le dire, c'était un bon bail. Après, t'étais dans la merde. T'avais la prime de Noël. Enfin, je suis désolé. Quoi ? Le 13ème mois. Enfin, bon, les avantages fiscaux. Je comprends rien. On m'a demandé de parler de film. Je dois parler de. Wow, bah, c'est le tombeau des Lucioles. Oui, parce que pour ceux qui savent pas, le tombeau des Lucioles, en fait, c'est un film qui parle pas du quotidien, mais genre du, de. C'est de la guerre. C'est la guerre, c'est et c'est l'histoire de deux enfants qui essayent de se protéger comme ils peuvent. Mais voilà, c'est après Nagasaki, je crois. Ouais. Où du coup, il y a eu des. Mais il a pas vu. Non, mais c'est pas grave, ça me fait un peu de. Ça m'aide à parler. Mm-hmm. Ok. Mm-hmm. Ta gueule. Mais et du coup, en fait, il y a eu énormément de populations civiles au Japon qui se sont retrouvées SDF, genre à la rue, tout était rasé. Et du coup, ça a été une sorte d'exode. C'est insupportable, en fait. Ça a été un exode pour survivre, en fait, où t'as plus nulle part où aller. Et il n'y avait pas de politique en place pour les aider et compagnie. C'était de laisser... laissé comme tel à l'abandon. Ouais, c'est ça, exactement, je cherchais ce mot. Ils étaient laissés à l'abandon dans le Japon et après, est-ce qu'ils l'ont pas dans le film, ils l'ont pas cherché avec Pearl Harbor, enfin c'est mon avis. Ce mec est vraiment choqué de ça, quoi, que on puisse s'apitoyer sur le sort de pauvres petits japonais enfants, en plus des enfants, et lui il est là choqué, genre en mode c'est des gros connards ces enfants, et 200 ans avant ils faisaient pas les malins en Chine. Non, moi, je trouve ça ouf. ça va a pas l'air de vous révolter. Moi ça me révolte nous ça nous révolte. Non mais disons que j'ai un peu l'habitude de voir genre quoi, mais pense à ce que eux ils avaient fait avant. T'es un peu genre ouais, mais enfin genre c'est pas leur faute. Oui, c'est ça. Oui, c'est genre, il y a plein de situations comme enfants, ça. Genre. Puis surtout que c'est pas la Chine qu'ils ont attaqué. Genre, encore si. Si le Japon a attaqué la Chine. Oui, si tu racontes n'importe quoi. Si, genre à D37. Alors, Aurélien, là. Bravo le négationnisme, bravo. Tu m'as plu, Aurélien. D'ailleurs, si tu veux regarder un film d'animation japonaise sur le Japon qui colonise la Chine, il y a Millennium Princess. Actress, pardon. Alors, c'est quel chapitre de Millennium, ça, que j'ai pas vu? Millennium Actress, connard. Non, vraiment, je t'ai excusé parce que je t'ai appelé vraiment Aurélien. Oui. Et c'est encore pire que dire de la merde sur l'histoire des Japonais, ok? C'était un lapsus totalement. Tu sais pas le comment? Antonin. Pédophile. Oh, putain, ça fait... Antonin, oui, ça. Dalio. Pourquoi bah non, mais en fait, je me suis dit, vu que tu l'as appelé Aurélien, je proposais qu'on appelait Théophile, je sais pas, zoophile ou pédophile jusqu'à la fin du podcast. C'est une sentence tout à fait. Bah alors, pédo, tu vas passer à la suite du podcast, pédo. Émile Louis, vas-y, présente l'émission. Non. Là, alors là, je me désolidarise. Oula, je me désolidarise. Je n'y arriverai pas, mais on a conseillé la fin du podcast. La suite du podcast. Non, en fait, j'ai dit des trucs un peu choquants, comme ça, je sais que Théophile sera obligé de faire du montage. Alors, mais non, je vais tellement pas monter. Mais est-ce qu'on peut écrire le film? Oui, alors déjà, oh, on va un peu. C'est vrai, putain, merde. On va un peu. Expliquer, non, c'est pas le mot. Bah, qu'est-ce qu'on va faire là dans la prochaine heure? Est-ce que vous pouvez m'expliquer Elsa, qui n'est jamais venue? Je prends un accent qui c'est vrai, on n'a pas expliqué le concept de l'émission. Ça va les couilles, connaissent. On n'explique plus. On est, ils connaissent. Donc là, il faut que j'explique quoi le. Non, mais en gros, là, on va énumérer des clichés. Exactement. Non, pas des clichés, des tropes. Alors, explique-nous. Pardon. Plaît-il? Je connais encore les motifs hein, récurrents qui se retrouvent dans un type de film. Qui ne sont enfin cliché c'est négatif et trope c'est genre un quelque chose de courant, factuel. C'est pas c'est pas forcément ou ouais, négatif, c'est aussi un lieu de vacances ou... pour les bobos sans trope. Ouais, moi je suis plus à la place de cliché, ouais. Allez. Tu pars donc pas en vacances. Je me casse. Allez, non, mais oui, mais du coup là, nous, on est plus sur les clichés parce que l'idée c'est quand même de déconner, quoi. On désingue le cinéma. On désingue. Tout le monde en prend pour son grade. Moi, je suis avec ma lunette là, je l'ajuste et je vais tirer. Dans attention, ta... faites gaffe. Attention, c'est un sniper. Il peut y avoir des dommages collatéraux. Il y a des balles perdues. Des dommages collatéraux. Alors, les clichés du cinéma d'animation japonais. Ça se passe au Japon tout le temps. Non. Non. Non, c'est faux. La majorité du temps, c'est le Japon. Non, Akira, ça se passe à Neo Tokyo, c'est pas du tout au Japon parce que ça n'existe pas. C'est le Japon. C'est soit le Japon. Non, mais la majorité du temps. Non, mais la majorité du temps, c'est dans le Japon du futur, le Japon féodal ou le Japon du présent. Je suis désolé. La majorité du temps. C'est très clairement un pays européen. Porco Rosso, c'est très clairement en Italie pour la mer Adriatique. Arrietty, c'est très clairement au Royaume-Uni. Mais si tu me cites des films qui ne sont pas connus, ok. Bah, je suis un peu agressif. Mon Zorglub, ça se passe dans l'espace. Non, mais je sais pas, Ghost in the Shell, c'est dans le Japon du futur. C'est le seul film que j'ai vu, hein, je rappelle. Your Name, c'est le Japon du présent. Non, mais en tout cas. Non, mais oui, non, mais après, le Tombeau des Lucioles, c'est le Japon du passé. Le fait est que c'est un cliché un peu nul de dire ça. Non, mais il y a un truc très. Ça se passe beaucoup. Non, mais disons qu'en gros, si c'est pas localisé spécifiquement dans un pays, c'est globalement le Japon parce qu'ils vont s'inspirer de ce qu'ils après, voient. Voilà. Mais... C'est un pays très nationaliste. Non, mais c'est comme les États-Unis, tous les pays. Mais c'est comme que si tu fais un film, toi en France, tu vas. Tu parles de ce que tu connais en France. Tu parles de ce que tu connais. Ça dépend beaucoup. Non, tu parles de ce que tu connais et eux ils habitent là-bas. Nous on habite ici. Oui, bien sûr. Non, mais bien sûr. Non, mais c'est parce qu'il y a. Oui, il y a un truc qui ressort beaucoup dans les films. Les films d'animation japonais. C'est qu'il y a cette dualité du Japon qui est vraiment entre la tradition pure très ancienne et la modernité, limite à la pointe de la technologie. Et c'est quelque chose qui ressort souvent. Les ancêtres et. Voilà, qui ressort souvent comme thématique. Comme thématique dans les films d'animation japonais et aussi dans la forme des films d'animation japonais, par exemple. Très, genre, très traditionnaliste. Voilà, très traditionnaliste. C'est encore, enfin, c'est un des seuls pays, je pense, à utiliser encore autant l'animation 2D. À la main. À la main. Mais par exemple, quand tu vois, même en Corée du Sud. À la main Nokia. Oui, non, mais en France aussi. Mais bien sûr, mais quand tu regardes. Il n'a pas entendu. Qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce que t'as dit? À la main Nokia. Écoute, on se fait un petit si bémol là. C'est une note. J'adore cette note. C'est là le si bémol là. Vous l'entendez ou vous l'entendez pas? Non, on n'entend pas. C'est pas un piano, c'est une table. Allez, ce qui est très récurrent dans le cinéma d'animation japonaise, c'est qu'il n'y a pas de dichotomie genre bien mal. C'est pas manichéen. Ouais. C'est très gris. Quand tu regardes par exemple dans Mononoke où très rapidement Dame Eboshi devient le personnage méchant contre lequel les deux héros, donc Mononoke et je sais que tu l'as pas vu, puisque tu n'as moi vu non plus, Ghost in the Shell. C'est pas Ghost in the Shell, donc moi je... Mais les deux héros, globalement, à un moment donné, sont confrontés à Dame Eboshi qui, d'accord, genre, détruit la forêt alors qu'eux, ils viennent un peu de la forêt, tu vois. Ouais. Et donc, ton premier point de vue, c'est un peu moi, genre, ah, ben c'est la méchante. Mais en fait, très rapidement dans le film. On t'explique que c'est pour construire. Non plus, je l'ai pas vu, donc je prends des réactions choquées. moi, enfin, je m'en rappelle. Mais ouais, non, et que globalement, en fait, elle, enfin, Dame Eboshi construit un fort dans lequel elle a tous les parias de la société qui sont rejetés par les castes samouraïs. Genre, il y a des lépreux, il y a plein de meufs qui ont été. Ouais, ok. Voilà. Plein de meufs, ouais, au Moyen-Âge. Ouais, Qu'est-ce qui peut mal se passer, voyons. Incroyable. Ah, les femmes avant le 20e, les voire femmes, le 21e. Les femmes, même aujourd'hui. Non, mais très honnête. Ah, alors, croisant mon expérience, ici, c'est qui la meuf moi. Non, mais toujours aujourd'hui, mais moins qu'avant. Heureusement, quand même. Mais c'est vrai que. Mais de tout temps, les femmes ont souffert. Yes, c'est le début de la copie de Philo d'Antonin. Yes. C'est pour ça que j'ai pas eu ma licence. J'ai commencé de tout temps. Mais que globalement, en fait, genre le personnage de Dame Eboshi qui est présenté au début comme le méchant contre qui. Et globalement, en fait, c'est pas un grand méchant, genre manichéen, comme dans beaucoup de films. J'ai pas envie de trasher Disney parce que voilà. Vas-y, tu peux. Mais. On n'est pas sponsor. Mais voilà, c'est. Elle a ses raisons de faire ce qu'elle fait. C'est pas forcément bien, c'est pas forcément. La solution, mais c'est pas non plus en fait où c'est juste la méchante. Elle est pas caractérisée en tant que méchante. Ouais. Elle est caractérisée en tant que genre c'est une femme forte de pouvoir qui a plein de trucs à faire pour sauver toute une partie. Sauf qu'on n'est pas en fait de ce point de vue-là. On est de point de vue de gens qui essayent de lutter contre la déforestation. Mmh. Et que du coup, de facto, en fait, ils rentrent en conflit avec elle. Mais c'est pas genre une entité maléfique qui est. Genre, c'est pas Cruella ou c'est pas. C'est l'antagoniste du film, mais c'est pas la méchante du film. Bah, au final, ça devient pas tant l'antagoniste du film, puisque quand. Je ne sais pas, une fois c'est que. Pas Ghost in the c'est pour Shell. Ça que. C'est pas tant l'antagoniste où il y a des moments de conflit, mais il y a aussi des moments où ils travaillent ensemble pour sauver un peu la planète, d'ailleurs. Ouais. Puisqu'évidemment, ils sont tous débiles, ils manquent. De tuer tout le monde. Ah donc, à un moment donné, il faut travailler de concert. La main dans la main. Merci pour cette chronique, Elsa. on retourne avec Antonin, notre reporter en direct du Japon. Les couilles, la bite. En direct d'un sex shop. Les Japonais, ils adorent le sexe, vous savez ou pas? Ils adorent le sexe. Les c'est des fous de sexe. Hein. Ils sont là, le sexe. Le sexe par-ci, le sexe par-là. T'as, je fais rire que Antonin ce soir. C'est dramatique. C'est dramatique. Et ouais, mais du coup, moi j'avais été coupé quand je parlais de la dualité tradition-modernité du Japon. Et du coup, je disais, j'allais dire qu'il y a aussi cette forte dualité dans la forme de leur film, puisque on a des éléments 2D à la main. Enfin, bon, plutôt à la main, plus trop à la main maintenant, c'est surtout à l'ordi, je crois. À part Miyazaki, le vieux là, il fait. Je fais encore de la peinture, super, vas-y, fous-en toi partout. le mec il se vénère pour rien. Tous les goûts sont dans la nature après. Très bon, j'ai mis des coups dans un micro. et du coup, ouais, je trouve ça fort. Fort, parce que genre par Fortiche. Exemple dans Your Name t'as des moments en 3D qui sont mêlés à des moments en 2D. Non, genre si, non, je te crois pas, mais il y a ça aussi dans le deuxième Ghost in the Shell où justement en fait je sais plus combien de temps ça a été fait après le premier, où en fait t'as donc tous les personnages comme dans le premier, je te parle à toi parce que je sais que tu l'as vu donc tu pourras voir, où du coup c'est vraiment dessiné 2D aussi, hein. Et les décors. Dans beaucoup de films animés en Asie. Ouais. Et en fait, il y a énormément les décors où il y a des gros plans où en fait c'est de la 3D dans lequel t'as des dessins pour ce qui va être touché ou qui va bouger. Et en fait, t'as vraiment un mélange au sein même des décors de 3D, genre parce que c'était vraiment le début de la 3D où t'avais pas des rendus dégueulasses et de 2D. Ça m'a donné. Non, j'ai perdu ma faute. Gerbe. Non, mais en fait, c'était très étrange, genre sur les 10 premières minutes du film où j'étais un peu genre qu'est-ce que c'est que c'est ça un et style en fait. Mais en fait, ça devient assez fluide très rapidement où une fois que tu acceptes le fait que ouais, il y a de la 3D dans celui-là mais que c'est globalement surtout de la 2D. Ça a un joli cachet, mais c'est assez déconcertant sur les premières minutes. Ouais, il y a ça aussi dans quelques des épisodes de des séries animées ils animent que ce qui a besoin d'être animé en fait en 3D, et le reste c'est du décor 2D. Mais même dans tous les Miyazaki, si ça se voit, où genre t'as tous les décors qui sont à l'aquarelle, ou je sais pas quoi, enfin pas à l'aquarelle, mais genre à la peinture. Ouais, c'est la peinture. Et tu vois, genre typiquement quand t'as un paysage, et tu vois en fait le buisson duquel genre l'animal ou le personnage va sortir. Ouais, parce que tu vois qu'il c'est est un différent. Truc, ils ont fait genre il y a le buisson qui est là, et ensuite. Bah ouais, bah parce que si tu dois animer tous les petits coups de pinceau et tout. Oui, non, mais c'est ça, mais du coup, moi ça m'a toujours fait bien rire. Tu le fais en totalité, quoi, je sais pas. Moi je trouve ça quand même beau. Tu fais pas le travail à moitié. Et bah, je salut, c'est pas de toche blasée. Voilà. Moi c'est mon, Miyazaki, c'est mon tonton. Et je peux te dire. On est cousins. On est cousins. Incroyable. Bah non. Ah ouais, non, on n'est pas cousins. Tu sais pas ce qu'on est juste tous les deux. Peut-être. Du coup, là j'ai deux clichés. Enfin, clichés. Bah, là du coup, c'est vraiment pas des clichés. Là des pour tropes. Le coup, c'est vraiment des tropes. Merci. Je viens d'apprendre ce mot, il est beau. L'utilisais pas. Je le connaissais, mais je le déteste. Non, c'est pas vrai. Je déteste, mais je l'utilise. Mais disons, en fait, genre, c'est la façon de dire cliché de façon neutre, en fait. Ouais, du coup, ouais, non, mais de ouf. Et du coup, on peut dire, il y a Léo qui joue avec un coussin. Arrête, ça fait de l'ASMR dégueulasse. Et pose ce coussin. Rabbit, Léo, enfant, Timothée. Il donne des coups dans le micro, comme d'habitude. Ça s'entend pas. Et du coup, ouais, moi je voulais parler du fait c'est que c'était souvent des jeunes. C'est un coussin. Non, il ne le fait pas. évidemment. C'est surtout des jeunes, les personnages principaux dans les films d'animation japonais. C'est rarement des adultes. Bah, pratiquement oui. Jamais pas, en fait. Pas plus de 20 ans. C'est des jeunes adultes à la limite qui découvrent le monde adulte. Des jeunes adultes. Mais non, mais attends, c'est toujours. Un petit peu. Bah, c'est très rare. À part, par exemple, genre Ghost in the Shell. Un petit peu. Ouais, ou le Major. Ou vraiment, Biggs. Là, les persos sont tous plus ou moins adultes. Mais tout. Après, c'est aussi ce que je disais tout à l'heure sur Château dans le ciel. Ça a été le premier film adulte, enfin, genre de grand que j'ai eu. C'est, je pense aussi qu'il y a. J'ai pas vu le Château dans le ciel, en fait, c'est pour ça aussi. Ah, c'est moi, je l'ai vu. Mais c'est que les personnages principaux aussi s'adaptent au public cible où genre typiquement c'est des petits enfants dans Totoro, c'est des ados, je crois que Shita a 13 ans dans Château dans le ciel, Sophie dans le château ambulant a la vingtaine et est transformée en vieille dame. Oui, c'est vrai qu'elle est transformée en vieille dame. Ouais, mais voilà. Donc Nausicaa des... aussi. En fait, le personnage principal souvent à l'âge cible de spectateur. Chez Miyazaki, en tout cas, des personnages féminins. Oui. Parce des personnages féminins forts aussi. Fort. Et quand ils sont enfants, et ils n'ont pas forcément leurs parents qui sont morts, contrairement à énormément de. C'est vrai. Attends, tu veux parler de Disney? Pas forcément, non, mais même dans la littérature classique européenne. Ouais, mais là, on reste sur le cinéma, on sait pas lire. Donc, Ouais, moi, je sais pas lire, j'ai appris à lire. Ah, excuse-moi. Demain. Non, mais c'est que c'est un cliché, du coup, c'est un trope européen assez classique de faire mourir les parents pour forcer la maturation. Ouais. Parce que sinon, c'est en fait, les enfants, voilà. Ils sont, voilà, c'est que les enfants, du coup, sont livrés à eux-mêmes. Et en fait, si les parents sont pas morts, ils peuvent pas. Voilà, c'est ça, ils peuvent plus se reposer, donc ils n'ont qu'à grandir eux-mêmes. Ils peuvent pas faire autrement. Oui, alors on peut très bien dire qu'il y a des parents nuls. Il y a aussi, ouais. Les parents qui délaissent leur enfant. Par exemple, ça, c'est le voyage de Chihiro. Laissez-moi vous parler de mes parents. Pokémon. Bah, quoi? Pokémon, c'est ça. Pokémon T'as 8 ans, allez, vas-y. C'est un jeu vidéo. C'est des films et un dessin animé, déjà. Avant tout, c'est un jeu vidéo. Bah, non, avant tout, c'est un jeu de cartes. Non, avant tout, c'est un jeu vidéo. Non, je crois pas. Il s'est rendu compte qu'il a tort et du coup, il fait. Je vais regarder sur internet. Mais du coup, ouais, sinon, c'est vrai que dans les films d'animation, il y a énormément de personnages féminins forts dans le sens où, en soi, le genre du personnage importe peu. C'est-à-dire. C'est vrai que par exemple, Chihiro, en fait. Chihiro, ça aurait pu être. Aucun moment, enfin, genre, quand tu vois. Même, en fait, à aucun moment. Haru, à aucun moment, on dit que c'est un mec. À Chihiro, à aucun moment, on dit que c'est une meuf. Voilà, mais que donc, genre, fait, c'est juste, pas. C'est comme ça. Parce qu'ils s'en foutent, il n'y a pas besoin oui, de. Oui, c'est pas juste que c'est deux fait. Personnes comme ça, c'est ouais, dans. Voilà. Pardon, je parle trop fort. En fait, ça n'influe pas dans l'histoire. Voilà, il n'y a pas de. Il n'y a pas le cliché, pour le coup, de la princesse à sauver. Ouais, bah ça c'est vrai. Alors que chaque la princesse Mononoke. Elle n'est pas sauvée, la princesse Mononoke. Pas du tout, pas du défonce tout des merdes. Bah oui, justement, c'est ça qui est bien. Oui. Et oui, je suis. Et que même dans le château dans le ciel, que du coup, il n'y a que toi, Léo, qui a vu. Oui. Où il y a donc Chita, donc, la princesse de la Piuta, qui à un moment donné se retrouve en position de détresse et jeune fille en détresse. À la fin, défonce un peu tout. Ouais. C'est que. Et que. Il y a aussi. Les personnages féminins sont aussi pas forcément ultra badass et ultra virils, comme dans beaucoup de films où du coup on va mettre un personnage féminin fort et que du coup elle va reprendre que des traits masculins, ultra violents, qui se laissent pas marcher. Il y a aussi des personnages féminins qui sont fragiles mais qui restent forts, qui n'ont pas besoin d'être sauvés. Ouais. Voilà. Bah juste, et ça, c'est bien. Des gens comme dans la vraie vie, quoi, en fait. C'est ça. Voilà, tout simplement. Au lieu exactement. Non, mais merci, c'est Antonin, de le préciser. merci, c'est super. Merci à tous. Mais c'est important de souligner parce que c'est Jordan super rare. Qui veut au final nous parler de son film préféré. Bonjour, Jordan. Allô, oui. Oui, c'est moi, Jordan. C'est pas Jordan, ça, c'est Antonin. Arrête de faire genre, t'es Jordan. Ah, pardon, excuse-moi. Jordan. Ah, bah. Allez. C'est la fin des trucs des clichés. Et du coup, on passe à l'écriture du film avec tous ces beaux clichés là. Bah, j'ai noté n'importe quoi. Hein, c'est vraiment. Oui, j'ai c'est une liste noté de dualité, tradition, modernité. Voilà. Oh oui, t'as rien noté du j'ai tout. Rien noté du tout. Non, mais si le personnage féminin fort. Tout, bah, ouais, du coup, ouais, je propose ouais, que ouais, le personnage ouais. principal soit féminin. Soit. Voilà. Et qu'il y ait une dualité entre. Non, féminin ou non genré. Bah ou. Bah, non, bah alors, les j'ai fait un AVC. C'est une fille, elle a 14 ans. Les personnages non genrés au cinéma, c'est encore très rare. Donc, mais non, mais genre, par exemple, mais non, mais. Si. Non genré. Si. Bah, c'est différent de dire non genré ou non binaire. Oui, voilà, déjà. Non, mais déjà. Non genré, c'est-à-dire non, qu'on précise pas. Oui, c'est voilà. Ça que je veux dire. Ouais. C'est pas, c'est ouais, pas la même chose. Genre à genre. Oui, bah non, c'est, oui. Pas hyper, c'est pas si rare. Si c'est un enfant. C'est pas si rare, en tout cas dans le cinéma d'animation, que okay, bon, un, allez, qu'il y ait un personnage non genré. Allez. Et c'est très. C'est pour le coup, là. Bon, c'est pas très... le podcast, là. Oh. Léo, il a très envie que ça se finisse. Il je suis fatigué, lui... j'ai une journée de boulot. C'est Étienne Recadrage. du coup, personnage principal. De genre neutre. De genre ouais. neutre, enfin non genré, enfin pas non genré. Osef. En fait, on Osef. Osef. Bah, pas de personnage du coup. Ouais, c'est de l'air, c'est l'air. Oh non. Ozone, comme Ozone, t'es le groupe de musique. Ah oui, Numa Noumaïe, tout ça. Numa Noumaïe. Avatar. Allez, on écrit les films. On écrit. C'est un personnage. Du coup, personnage, le. Je propose pas d'imitation de voix japonaise. J'ai pas imité le mot voix japonaise, attention. Non, mais. Si, si, bah on l'a tous entendu. Hein. Ah bon? Non bah, j'ai pas entendu. Redis ce que t'as dit. Mais qu'est-ce que j'ai dit? Bon, ok, c'était un piège, c'était un prank. Il y a la caméra là-bas, voilà. Il n'y a pas de caméra. Si, il y a vraiment une si, caméra, mais là, c'est la salle d'à côté qui est là. Ah oui, c'est vrai. du le coup, ouais, qu'est-ce que vous avez. Où ça se passe déjà? Parce au que Japon. Peut... Au Japon. Ok, quelle époque? Féodal. Oh. Le Japon féodal Le Japon du futur proche, c'est dans. Genre, trois je heures. 3 heures. Mais au Japon. Tokyo. 2019, 25 avril, un hôtel. Ouais. Alors, avec la technologie un peu ouf, mais c'est pas trop loin quand même. Soit on peut partir genre en mode Japon, bah, y a plusieurs possibilités. Cyberpunk. Ouais. Ou sinon, non, c'est Japon pas trop un peu, Japon cyberpunk, c'est plus en Europe. Japon fantasy, genre. C'est pas pas fantasy, comment on peut dire Japon magique, genre à la Miyazaki quoi. C'est pas. Alors, en attendez, il y a une époque magique. Il y a deux conversations en même temps. Oui, pardon. Non, oui, en parce qu'il hein. dit genre oui, non, mais le cyberpunk, c'est surtout en Europe. Non, genre, mais bah, non, il y a Neo Tokyo et. Ça se passe plutôt en Europe, les histoires. Non, mais c'est bah, pas ça. C'est pas. Le cyberpunk, c'est littéralement de la dystopie dans le futur technologique. Dystopie. Allez oui, mais on c'est... applaudit non, mais... tous. Je sais que les histoires qui se passent comme ça sont souvent. On t'aime Théophile. Les histoires cyberpunk sont souvent en Europe, c'est ça que je veux dire. Alors, on passe là-dessus, on s'en branle complètement. Vrai. Là, vraiment, je suis en train de m'en branler. du coup, c'est un peu gênant. Ah, non, mais pas je me branle, j'ai dit je m'en branle. Ouais, je suis en train de m'en branler. T'es à côté de moi, je te vois, donc j'ai pas de. Je suis en face. C'est vrai que c'est rangé dans mon pantalon, qu'est-ce que tu racontes? Avec l'eau où tu t'es fait pipi dessus en fait. Du coup, la dualité modernité. Non, voilà, mais ça peut aussi. C'est dans le futur, mais il y a des traductions anciennes. Il y a des traductions. J'ai failli dire ça. Il y a des genre, il y a le panneau, mais il y a écrit boulanger, quoi. En japonais. Alors que normalement, c'est. Non, je vais pas le faire. On sait pas lire le japonais. elle est morte de. Waouh. Je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? Je suis très bon public. Ouais. C'est ah. Du coup, j'ai avancé mon cours en même temps en disant du coup. Ouais. Ça vous a pas fait rien? Non, pas tellement. Si, c'est je suis beaucoup trop bon public. C'est une blague très visuelle. Mais ouais, du coup, ça se passe dans le futur. C'est quelqu'un à genre. On dit à genre ou juste on spécifique non, pas? Non, genre, on spécifique quoi, on sait pas le genre quoi, pour okay, l'instant et ensuite on verra. Et soit on voit pas et on s'en fout. Hé hey, Antonin, toi, c'est quoi ton genre? Non, je m'en fous. Bah, j'ai pas voulu répondre déjà. Je sais pas ce que je fais. Je suis vraiment très fatigué. Ouais. Alors, est-ce que tu peux prendre la suite? Ouais, je veux bien. Donne-moi la suite. Du coup, on est dans le Japon du futur, cyberpunk. Mm-hmm. Mm-hmm. Un personnage. Qui s'appelle d'ailleurs Un personnage. Non, il s'appelle comment, Léo? Toi, t'as toujours des bonnes idées. On s'en bat les couilles des noms. Il s'appelle comme ça. On s'en bat les couilles des noms. C'est japonais du futur. Hein. Bah, ouais. J'aime bien comme nom. J'aime bien. Et du coup, qu'est-ce qui lui arrive? Déjà, elle a quel âge? Elle ou il d'ailleurs? Je veux dire il pour le personnage. Ouais, je pense, d'accord. Non, ouais, je vais clairement dire elle. Je suis chaud pour qu'on. Bon, on dit elle alors. Ouais. On dit elle, mais non, j'aurais. On dit elle. Bah, voilà. Je sais pas, parce que comme on dit un personnage. Bon, bref. Elle. Donc elle, elle a quel âge déjà? Moi, je dirais qu'elle a une petite vingtaine d'années. Ouais, je dirais jeune adulte. Parce que on vise jeune adulte. On vise la lune. Oui. Ça ah, nous fait pas peur. J'avais plutôt vu. Parce que jeune, très hein. Honnêtement, on est tous ici jeunes adultes. Est-ce qu'on n'a pas juste 5 ans d'âge mental dans nos têtes? Non, il y a encore moi. Timothée. Hey, je t'avais dit. Ah, mais c'est l'heure d'aller au lit là. Niquez bien vos mères. Mais Timothée, t'as encore fait pipi dans ton lit ou quoi? J'ai chié sur ta mère. Excellent. Ça pue la pisse. Lui, il a mangé. Ça sent complètement. Ça pue la pisse ici. Je me casse, salut les losers. Eh ben, ça fait plaisir, j'espère que t'as fini tes coquilles de jambon. Bon, bref. Timothée, sacré Timothée. Hein. Titi Momo, t'étais. J'ai mal au ventre. Très drôle. Ok, alors... du coup, elle a 20 ans. Oui. Et alors, on va dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir des parents morts. Hein, les parents sont pas forcément morts. Non. Les parents sont non, encore. Non, en les vie. Parents. Les parents, c'est pas. C'est des. Les parents, c'est des vieux croutons. Mais non, mais elle a 20 ans. Ah, ils sont en maison de retraite. en le mec, pas il avait une idée de mais génie. Non, mais elle a 20 ans, elle peut vivre toute seule. Bah oui, c'est ce que j'allais dire. Elle a 20 ans, elle est indépendante financièrement parce qu'elle est très. Ou sinon, très on fait un truc à la Your Name et genre en mode. C'est dans un rêve. Cyberpunk, mais. C'est en fait c'est une histoire d'amour. Okay. Mais dans un monde cyberpunk. Ouais, du coup ça n'a aucun sens. Merde. Mais... Ouais. Bah voilà, ouais, c'est la fin du scénar. C'est la même chose, mais cyberpunk. Regardez Your Name. Imaginez que c'est un truc cyberpunk. L'animation japonaise n'est pas un genre particulier, c'est juste. Non mais bien c'est sûr. C'est un style. C'est un bah, style. Bien sûr, c'est bien sûr, mais comme le Pixar, c'est pas un genre. Le Pixar. Bah si. Oui, Pixar, mais quand vous avez fait genre, vous avez fait le western, vous avez fait. Il y a plein d'histoires. On a fait le road movie aussi. Ouais, voilà. Road movie, ce n'est pas vraiment un genre. Ouais. Mais que typiquement, tu peux avoir un film d'animation japonaise qui est aussi un road movie. C'est vrai. Bah, c'est... Tout comme ça. Venez, on mixe. Pas d'exemple. Venez, on mixe. Eh, on fait un film d'animation japonais. Road trip. Road trip. Western. Allez, ta gueule. Hop là. Pixar. Moi, je propose qu'elle galère à payer ses impôts. Ouais, de ouf. Et ouais. Je dis pas ça parce et que. Et en fait, c'est, parce que c'est parce que c'est dans un monde où, genre, les impôts. Enfin, genre, c'est 1000%. C'est la merde au Japon. Tout parce est que numérisé. C'est cyberpunk. Ouais, et ils doivent payer. Et en fait, ils ont des cartes sur le coude. Ouais. Ils c'est l'endroit le moins pratique. C'est pas une non, chanson de Val, ont ça. Ils ont des implants magnétiques pour. Ouais, ouais passe Navigo. Comme dans Minority Report. Main droite, c'est passe Navigo et. Main gauche, carte UGC. Ouais, voilà. Chaque doigt, une carte. C'est ça. Ça, c'est ma carte. Bah, c'est ma carte Naturalia. J'ai 10% de réduction. Mais t'as droit qu'à 10 cartes, du coup. Voilà. Sauf les magasins où tu vas pas souvent, c'est tes doigts. Du coup, dans la rue, il y a des gens, ils coupent des bras à des gens pour voler leurs cartes bleues. Et c'est un peu plus glauque, du coup, les vols à l'arraché comme ça. Non, elle a arraché de doigts. Elle a arraché, voilà. Et oh mon bras. Japon, ils parlent comme à Toulouse. Rose. Mais c'est dans le sud du Japon en fait, ouais. C'est à Osaka, c'est pour ça. Il y a Big Flo Oli. C'est papa, ouais, t'es mon papa. Ouais, c'est Big Flo Oli. Non, parce qu'il a dit Big Flo. Big Flo et Sushi. Waouh. En vrai, ça va. C'est du racisme, mais ça va. C'est pas raciste. Donc du coup, c'est une femme. Enfin, on a dit elle, qu'elle avait une vingtaine d'années, puisque nous avons tous une vingtaine d'années. Ouais. Sauf Timothée qui est parti au lit. Putain, d'ailleurs, je le vois d'ici, il pisse au lit encore. Ah, putain, le con. Putain, mais le pisseur. Allez, ce sera le fil rouge de l'émission. Et et qu'est-ce qu'il... Donc... L'histoire d'amour, on a dit dans On l'a dit, mais on va pas le faire. On va pas le faire. Okay. Non, en fait, elle avait pas. Du coup, elle a pas. Il y a pas de parents dans les films. Tu peux parler en même temps. Oui, c'est ça le podcast. D'accord, nickel. Du coup, moi, je propose jeune adulte qui galère à devenir adulte et que du coup, c'est un voyage d'initiation. Pour moi, c'est un road trip. C'est un road trip intérieur. De la fin des études à se lancer dans la vie active. Alors explique-moi, il y a Léo qui est en train de faire un AVC en même temps. Explique-moi le... C'est un voyage initiatique à travers le système de Parcoursup. C'est le titre du film. Un voyage initiatique à travers le système... Un road trip intérieur nuit. Allez, c'est pas un bon... C'est beau. C'est une mise en abîme. Allez, le quatrième mur, hop là. Ouais, on brise le quatrième mur. À un moment, on brise le quatrième mur, mais vraiment. Genre, elle est dans une chambre, il y a quatre murs. Et hop là. Il y a un chiffre. Oh bah, pardon, j'avais pas vu la caméra. Hop sur là. Chacun des murs, il y a un chiffre. Et le quatrième, le numéro 4, elle le brise. Oh. Avec une masse. Ok. Une masse en mousse. En mousse. Parce que ça mais qui brille parce que c'est cyberpunk, donc il y a des loupiottes. Ouais, il y a des LED partout. Non, alors, non, il faudrait qu'on y aille là, sur l'histoire là. Ouais, non, mais la situation initiale. La situation initiale, voilà. C'est une femme, enfin une. Qui galère un peu dans la vie, voilà, dans le Néo-Tokyo. Mais, à 20 ans. Voilà, et du coup, c'est un peu nouveau pour elle, puisque du coup, elle est partie de son foyer familial il y a peu de temps, en fait. Ils habitent à la campagne, du coup, dualité, modernité, tradition. C'est... Oui, c'est ça, de la campagne. Du coup, elle a des traditions, et on ferait pas une comédie. Elle a des Bienvenue chez les ch'tis. Mais alors, elle a des traditions de la campagne. Est-ce que vous avez super drôle. Vu comédie, film d'animation japonais? Il y a peut-être mes voisins, les Yamada. Non, je l'ai pas vu celui-là. Que j'ai vu, qui est plutôt drôle pendant les 5 premières minutes. Nos voisins les hommes. Ah non. Non, ça c'est autre chose. Non, ouais, ça n'a rien à voir. Non, excusez-moi. Les voisins les hommes. Mes voisins les... Les Totoro. Les Totoro. Ouais, non, je crois pas. C'est vrai que j'ai pas vu de comédie particulière. Bah non, mais du coup, il y a des moments où c'est drôle, mais parce que c'est assez... Je t'emmerde. C'est super relou. C'est assez... plurigenre. Ouais. C'est-à-dire que j'ai pas vu ça de genre drame de ouf. Il y a toujours des moments assez légers, comme il y a des moments hyper lourds, à part dans le tombeau des Lucioles ou genre de. Ouais, ça c'est vraiment lourd. On est sur de la lourdeur. Non pas comme les gens dans le métro. Le tombeau des Lucioles, tu vas pas le voir, tu te fends pas la poire quoi. T'es pas là après, avec les potes en soirée. Non, tous les goûts sont dans la nature, il y a pas de. Bah, si tu rigoles devant le tombeau, il y a pas de tortille du cul. Non mais oui, du coup, on partirait sur un drame quand même. Un drame. C'est pas un drame en mode rien ne va, mais quelque chose d'un peu. Un drame gentil. Mélancolique. Ouais, mélancolique. Un drame assez. Enfin, c'est pas dramatique dans le sens où il y a le sens. Bah, c'est un peu la vie en fait. Il y a des moments où ça va, il y a des moments où ça va pas. Le film s'appelle La vie. Moi j'ai vu un film récemment. C'est le combat contre partout. C'est ça, c'est le sous-titre. Ah, pardon. C'est quoi le sous-titre? Le combat contre partout. Le combat contre Parcoursup. Le voyage initiatique à travers le système de Parcoursup. Mais Parcoursup au Japon. Non, c'est pas le Parcoursup. Ça s'appelle Parcoursup aussi. Ouais. Ça c'est Blanquer, il est fort, il est. Et du coup, dans le futur, partout. Du coup, on voit genre robot. typique Blanquer, animé japonais, on voit plein d'écoliers, d'écolières. Tout ça en uniforme. En uniforme. Pas du coup écolier, mais genre lycéen, lycéenne. Ouais. En uniforme. Mais elle a 20 ans, elle est plus au lycée. Bah elle a redoublé plusieurs fois. Ah. Elle peut être à l'université. Mais si, non, mais l'université. Il y a énormément d'universités. Ah, bah, lycée, bah du coup, c'est pas Parcoursup, hein, si c'est l'université. Ah, bah si, elle peut être en L1 de licence. Quoi? Pour entrer en L1 de licence de philosophie, il faut. Puisqu'elle a fait un BTS audiovisuel. Elle se réoriente. Hein? Non, elle va pas. Elle... Ouais, sinon, elle peut avoir juste 18 ans. Ouais, voilà, elle a 18 ans. Elle quitte le lycée. Et elle débarque dans un très grand lycée prestigieux de la ville à côté. Ça commence, c'est comme les trucs à la Death Note, genre elle fait ses son bac là, genre elle écrit des feuilles hyper des vite avec une musique et tout. À la fin, elle rend copie blanche. À la fin, on se rend compte que le sujet, c'était « Qu'est-ce que l'audace ?» C'est ça. Oui, oui, oui. C'était pitié, pitié, s'il vous plaît, ça commence. Mais on s'en fout, okay, on va pas le faire, le film. Non, mais justement, on peut le faire, allez hop. Okay. Vu qu'on s'en fout, on le fait pas. Donc... Et donc, du coup, elle fait ça. Et elle a 20 sur 20. Scène à scène, voilà, c'est ça. Du coup, elle est un peu... Elle annonce à ses parents. Elle est un peu mauvaise élève. Elle est un peu mauvaise élève. Là, elle est là en mode, waouh. Je savais pas que... J'ai tout déchiré, enfin, le prof... Surtout la feuille. Parce qu'en fait, il y a plein de déchirures dans la feuille. Ouais. Ah, ça dépend. En fait, au Japon, à cette époque-là, ils écrivent sur des feuilles petits carreaux, justement, où elles sont pas perforées. Ah ouais, c'est vrai. Non, c'est sur tablette. Bah. Parce que c'est cyberpunk. Ah oui, mais c'est vrai que c'est cyberpunk. Cyberpunk. Non, mais c'est pas sur tablette parce qu'au Japon, ils sont dualité, modernité tradition. Et tradition. Là, c'est des tablettes à craie. Une ardoise. Une ardoise. Une ardoise. T'as installé la dernière appli sur ta tablette à craie ? La craie. Sur ton hardware ? Craie rouge. Waouh ! Allez. Les abysses du fun. Du coup, elle a. Parce que c'est le bac à une épreuve en fait. Ah là là, l'épreuve de la philosophie. Voilà, il n'y a qu'une épreuve dans son bac. Elle a son bac. Et elle va. Bah, du coup, elle est un peu désemparée parce que elle, qui a été toujours un peu mauvaise élève, là, il y a de la. Elle se retrouve dans une université un peu prestigieuse et en plus il y a de l'attente sur elle du coup puisque ouais, du coup elle doit elle monter surtout elle arrive à la ville parce que il y a ça en plus elle est dans la campagne qui a beaucoup de technologie mais pas autant que la ville et là ils dansent encore la tectonique. C'est ça. Ils sont bien arriérés, c'est con. Allez, débile. Ouais, débile. Vous avez déjà dansé la tectonique? Non. Ah bah en primaire. Si, trop jeune. En primaire, ouais, moi je dansais la tectonique en primaire. Et du coup comment dire. Et du coup, elle arrive en ville, un peu comme dans Zootopia en fait. J'ai l'impression qu'on se sert de Zootopia dans tous les épisodes. Dans le western aussi. Attends, deux secondes, parce que moi, je crois qu'on n'a pas encore cité Forrest Gump. Ouais. Voilà, c'est bah, comme dans Forrest Gump, il y a une plume. Je suis Nagui, je le rappelle. Hein, je suis Nagui. J'ai vu ni Forrest Gump ni Zootopia. Bah, c'est pas grave, mais en gros, dans Zootopia, la lapine. Par contre, j'ai vu des films d'animation. Le lapin. La lapine. Elle monte dans la ville de Zootopia. Où il y a tout le monde mélangé, etc. Alors qu'elle, elle vient d'une campagne. Et ben, en gros, ce serait pareil. Et eux, ils viennent d'une campagne. Ouais, de ouf. Et où il voilà. y a la tradition. Et elle monte à Neo Tokyo, qui est alors le truc de ouf. C'est un truc. Il y a des avions et des Jedi. Pardon. C'est trop bien comme concept. Bah, quoi oui. Bah, c'est Zootopia. Bah, ouais, c'est Zootopia, pas moi qui non, mais non, parce que Zootopia, c'est genre en mode oh, regardez, les villes, c'est fou, mais c'est maintenant, tu vois, c'est des villes. Ouais, connaît. Ok. Alors que là, ce serait un truc de. Comment ouf, ça, genre... c'est une ville maintenant, il y a des animaux qui parlent dans Zootopia. Les villes maintenant, il n'y a pas d'animaux qui parlent. On en est pas je encore. Suis, je suis une. C'était shot de blague. J'allais dire un animal, mais je n'ai pas trouvé d'animal marrant. Je suis une L'être humain est un animal marrant. Go vegan. C'est vrai. Stopper le spécisme. Je suis une menthe religieuse. Allez. Évite d'avoir des rapports sexuels. Alors. Pour ton bien, genre pour ta survie. Évite. Et du coup, ouais, elle arrive sur Neo Tokyo. Et alors là, elle rencontre. Il faut qu'elle trouve un quelqu'un. Appart. Non, elle cherche un appart. On écrit un film ou un épisode de recherche appartement maison. Là, oh. Non mais genre elle trouve un appart Plaza. En mode genre bah tiens un appart et elle rentre dedans. Non bah non. Elle s'installe et évidemment vu que c'est la ville que la situation du Japon c'est pas aggravé puisque c'est le elle futur qui peut être dispotique. Tu peux ne me coupe pas la parole. Ne parle pas. Ta voix m'est exécrable. Vas-y. Tu m'aurais pile. Et bah du coup l'appartement il est tout petit, c'est pas vivable, enfin c'est pas Oui. Ce n'est pas propice à l'épanouissement humain finalement. Ouais. Mmh. En même temps, ouais. Bah c'est Tokyo quoi. Bah oui c'est ça. Mais encore plus dysfonctionnel. Ou alors elle habite dans un établissement comment ça s'appelle les le Crous. Ouais, un Crous. je précise juste pour les auditeurs quand tu fais ça quand ils m'engueulent, on se connaît bien. Du coup c'est pour ça. Hein. C'est marrant, c'est sur le truc ouais, de l'humour. Ouais, ouais, qu'il aille crever. Parce que ça peut être malaisant si t'es pas au courant. Ah genre, ouais, en mode, non. C'était voilà. Qui ça je précisais. Énorme blague. En train ouais. de faire des doigts, putain. Dans le cul. Allez. Il est en train de faire des doigts dans le cul. Ils se connaissent très très vite, c'est ça. Ouais, il commence à baisser son pantalon. Et du coup, elle arrive dans un. Tu te prends. Elle arrive dans un crous. Ouais. Et non, mais sinon, c'est bien dans un coin. Clichy-Montfermeil. Parce qu'à Néo-Tokyo, il y a un quartier qui s'appelle Clichy-Montfermeil. Quand même. Elle fait des rencontres. Ouais. Non. Bon, c'est-à-dire que c'est une grosse ville bien habitée, mais elle voit personne. Mais non, mais tu vois ce que je veux dire, enculé. Dans les villes, en fait, dans la ville. Non, on peut dire que. Elle croise du monde dans sa résidence Crous ou dans la rue, tu veux dire. Dans le Crous, justement, c'est un moyen dans le Crous, justement, de rencontrer des gens de son âge. Genre le gardien et compagnie, genre c'est des androïdes. Et que du coup, comme. C'est ça, il y a un seule. Grand flux mais le seul contact, d'étudiants qui vont, genre, ou bosser ou à la fac parce que, il faut pouvoir payer. Au final, en fait, elle croise jamais personne dans les couloirs et que les seuls contacts humains, entre guillemets, qu'elle a, c'est cet androïde qui est à l'accueil, qui permet. Qui, du coup, est. Comme genre, c'est le Crous, tu vois, genre, c'est pas un androïde haut de gamme, c'est le type qui va te donner les horaires d'ouverture et fermeture de la grille, qui va te donner, genre, les heures de lessive, machin. Mm-hmm. Mais c'est pas très intéressant. J'aime bien. Voilà. J'aime tout à fait, Et que, du coup, va y avoir une grande perte pour elle de. Bah, elle était à la campagne où, effectivement, il y avait de la technologie, mais. C'était modéré. C'était... Ouais, non, c'est pas modéré, mais c'est juste que ça soutenait les relations comme bah, nous on peut avoir, genre on discute sur Messenger et ensuite, genre pour se retrouver pour faire un podcast. Ouais. Waouh. Wow. Mais qu'au final, genre on va se voir en vrai. Alors que là, toutes les interactions sociales qu'elle trouve en arrivant, c'est. Noyée dans ce flux temporel. Et qu'elle ne trouve. Et que du coup, elle est perdue. Elle ne sait pas comment. Interagir avec les gens puisqu'elle ne trouve personne. Et là, du coup, il y a une sorte de dualité dans l'histoire, puisque comment dans une ville où il y a tant de gens on peut faire si peu de rencontres ? Exactement. Ah, mais oui, et du coup, il y aurait plein de plans très vides. Enfin, comme c'est que des très décors. Large. Et très très large, on s'approche très peu d'elle. Et justement, il y a les seules présences qu'on voit. Voilà, c'est ça. Et expliquer. Le surcadrage, en gros, c'est quand tu as ton cadre d'image, et par exemple, tu as une fenêtre en entier ou même parcellaire dans l'image, tu recadres l'image parce que ce qu'il y a à côté de la fenêtre, par exemple, on s'en fout, ce qu'on regarde, c'est ce qu'il y a dans la fenêtre. Voilà, c'est-à-dire si je te filme à travers une porte, genre tu as une porte ouverte et tu es derrière, tu vas être surcadré par la porte, puisque tu as le cadre de la pièce, et voilà. Mais du coup, on peut dire que comme elle est très seule et très vide, genre qu'elle voit rien, elle va passer plus de temps genre dans sa fac. Où une fois qu'on a vu que dans son bâtiment universitaire, il y a rien. Un autre endroit où il y a plein de gens, c'est la fac. Voilà. Et ça peut genre être chouette. Je sais pas, de lui trouver un acolyte au bout d'un moment, genre à voir comment il se rencontre. Il ne faut pas oublier qu'il faut quand même qu'elle soit ostracisée dans cette fac, puisqu'elle est arrivée là par accident. Ouais. Oui. Quand même. Elle s'habille pas exactement comme les autres. Oui, ça. C'est et ça. Que surtout, plus, genre, personne la connaît, quoi. C'est genre le système éducatif japonais, en fait. C'est dès la maternelle, en fait, t'es placé dans la bonne maternelle pour pouvoir arriver dans la bonne primaire, pour pouvoir arriver dans le bon collège et compagnie. C'est très hiérarchique et tu peux difficilement monter. En fait, genre, tu peux dégringoler et arriver dans des lycées de merde et compagnie. Mais l'inverse, c'est très compliqué. Si t'es dans une mauvaise école, tu pourras difficilement accéder à une école supérieure que tu veux, genre. Mais que là, du coup, elle est très. C'est un peu un paria. Justement, parce qu'il y a le côté où elle est dans la tradition. Moi, j'en ai sur cette idée, j'adore. Ouais. Elle est dans la tradition du Japon ancestral, machin et tout, et qu'elle arrive dans un truc hyper moderne. Voilà, et du coup, elle est un peu paumée là-dedans. En fait, ce que je voulais dire. Mais elle écoute pas. Depuis tard. Non, j'étais vraiment en train de rechercher ce que je voulais dire. Je disais. Je voulais dire, il faut des péripéties maintenant. Oui. Non, pas forcément. Un film, il n'y a pas forcément de. Si, là, moi, du coup, ce que je vais. Non, mais disons qu'on a un bon gros début. Voilà. C'est très content. On a bien implanté le cadre. De voir, on va voir après comment ça se compte. Mais de mettre comme second personnage qui va l'aider, en fait, au final, qui va genre, devenir son ami, pour l'aider. Quelqu'un qui, lui, est né, en fait, dans cette ville. Et qui n'a toujours connu que la technologie. Mais qui n'y est pas forcément à sa place. Ouais, qui se sent aussi ostracisé, mais d'une autre manière. Et voilà. Et c'est comme ça qu'on peut parler des otaku. Ouais. Allez, comment ça s'appelle déjà les c'est un phénomène je crois japonais. Ouais ouais, les personnes qui s'enferment qui sortent jamais. Je sais plus comment ça s'appelle. Il y a un film d'ailleurs de mais que voilà, qui sont tellement en fait qui n'ont plus de contact qui vient de sortir, je crois. Non, c'est un court-métrage C'est dans une, enfin, il y a trois courts métrages sur le Japon. Un de, je crois, Léo Scarax. Bah, c'est Tokyo, le truc de Gondry. Ouais, Tokyo avec Gondry et Bong Joon-ho, je crois. Et Bong Joon-ho, et je crois que c'est le film de Bong Joon-ho où il y a un, justement, un japonais qui, enfin, c'est. Ok. Qui ne sort pas du tout de sa piole pendant, jusqu'à ce qu'il tombe amoureux d'une meuf. Kotaku est un terme désigné une personne qui consacre une plus grande partie de son temps à une activité d'intérieur. Ouais, c'est ça, je crois que c'est le terme otaku. D'accord, donc c'était otaku. Il y a Léo qui a tenté de sucer le micro. Du coup, ouais, mais en fait, c'est pas vraiment otaku, c'est plus, c'est un autre truc, mais bon, bref. Oui, c'est ça, mais enfin, genre, du coup, quelqu'un qui n'a pas de. Je ne sais pas, je sais vraiment pas, donc je pourrais pas dire. De quoi ? Non, mais il a dit que c'est, le mot c'était Kikomori, mais je ne sais pas. Je vais chercher. Continue de parler. Bref. Et les péripéties. Elle passe plus de temps à sa fac. Ouais, c'est ça. Et qu'elle rencontre lui qui n'a jamais eu le problème, en fait. C'était ça ? C'était ça, c'était okay. Kikomori. Okay. Qui n'a jamais eu le problème, en fait, de ne pas avoir de liens sociaux, puisque bah, du coup, il a toujours été très enfermé, très renfermé. Surbooké de liens sociaux. Voilà. Quoi ? Du coup, vraiment, genre les deux antagonistes, quoi. Exactement, comme ça, on a une dualité, mais il n'y a pas de méchant ou de gentil. Les deux tombent amoureux. Ce n'est pas manichéen du tout. Non, je pense pas. Non, je pense que justement, c'est pas forcément hyper intéressant d'avoir une histoire d'amour. Je pense un rapport amical, ça suffit. Ouais. Ok. Le mec des non mais vraiment okay. Honnêtement non, ouais, mais ouais. Moi j'aime pas trop les histoires d'amour déjà dans les films de base donc mais c'est ça mais enfin je trouve que les relations les plus fortes ou enfin celles que je trouve les plus sincères c'est celles en fait où tu te doutes qu'ils sont amoureux mais c'est jamais explicitement là ce serait dit plus genre dans, Chihiro et Haku quoi voilà ou Mononoke et j'ai encore oublié quoi Ghost et The Shell dans ouais, Ghost ou Ah non, et Kira. Ou et Prika. Ouais. Non, c'est bon. J'ai potentiellement raté mon RER pour ça, putain. Bah, c'est pas mal. Mais que du coup, genre, ce gamin qui, lui, a toujours été placé dans toutes les bonnes écoles, qui, genre, a toujours eu genre, une famille qui, genre, l'a aidé à gravir l'ascenseur social, l'escalier social d'échelle, je sais pas, genre, le truc social comme il faut. La pyramide de Maslow. La exactement. Tu vois la courbe de Gauss, tout pareil. Se retrouve donc obligé un peu d'être dans cette université pour avoir son diplôme et être énarque, parce qu'on va dire qu'il y a l'ENA au Japon, parce que je sais pas, parce que évidemment il y a plus Sciences Po, donc voilà. Ouais, bah il peut, hein. Voilà. Mais maintenant ça s'appelle l'ISF. Non, ouais, encore, c'est ça, ça va se nommer l'ISF. Donc voilà. Mais et que bah lui aussi en fait, il est un peu il est un peu mis à l'écart non pas parce que parce que il est chelou, il vient de la campagne ou quoi, c'est il juste il ça. Est mis à l'écart parce que il en a rien à foutre en fait des interactions sociales. Il voit que c'est très bah, superficiel. C'est pas ça, c'est qu'à mon avis en fait, il a connu que ça et bah au bout d'un moment, il a bien vivre et pas survivre. Et du coup, les deux, ils ont besoin l'un de l'autre, enfin ils se retrouvent dans la même situation mais alors qu'ils viennent de milieux différents. Ouais. Non, et mais au final, ils vont parce que de genre lui. Justement, lui en fait ne s'est pas lié avec les camarades de classe qu'il a, on peut imaginer suivi depuis qu'il est tout petit. Et que au bout d'un moment, ses camarades de classe c'est le gars chelou qui est genre super fort en informatique et qui connaît tout genre sur les comics si tu veux mais genre c'est pas pour autant le gars que tu veux inviter en soirée je parle pas du tout c'est de ma vie c'est l'inverse j'en suis la preuve allez mais que yes on était tous nuls incroyable oui. Mais c'est pour ça qu'on fait des podcasts hein. Les gens pas nuls et pas des vidéos rien à raconter on est trop moche c'est... Eh bah oui mais mais voilà que du coup en fait lui se retrouve seul et que il voit aussi cette personne qu'il n'a jamais connue, puisque genre, elle vient d'arriver, qui se retrouve tout aussi isolée, et qu'il y a... genre, il se reconnaît un peu en elle, même si au final, genre, ce qui est assez étonnant, c'est qu'ils viennent totalement d'un background complètement différent. Ouais, c'est ceux qui... Non, normalement, c'est ceux qui se ressemblent, s'assemblent. Les opposés s'attirent. Ouais, les opposés s'attirent, voilà, c'est ce que je voulais dire. Ouais, mais dans les deux sens, ça peut marcher en mode genre, ils sont tous les deux seuls, qui se ressemblent, s'assemblent, et genre, oh là là, ils viennent pas du même background, les opposés s'attirent. Tu peux dire tout ce que tu veux, en fait, tout le temps avec les expressions qui se perdent. On met pas la charrue avant les bœufs, ça marche. Ne pas vendre la peau de l'ours. C'est la goutte d'eau, la cinquième roue de la charrette. De la charrette dont on a mis les bœufs avant. Oui. Et la bougie tenir. Du carrosse. La cerise sur le chameau. Et du coup, comme péripétie qui peut se passer, puisque visiblement je suis là sur la force. Non, je t'écoute. Mais oui, non, mais je t'écoute. C'est que, comme on a dit dans le début du film, elle arrivait là un peu par hasard. On peut dire que c'est genre les places de boursiers. Léo Cruz, oui. Voilà, c'est ça. C'est un peu en mode genre, elle est arrivée. Mais comme dans Spider-Man Into the Spider-Verse, oui, vous savez, qui est très bon génial. Film. Allez le voir si vous ne l'avez pas encore vu. Il y a une nuit au max qui sera probablement passée lorsque cet épisode sortira. Il sera la semaine prochaine, dans une semaine. Eh bien, le 4 mai, il y a une nuit au max. Ah bah, ce sera bah, le lendemain, je crois. Eh bah, c'est dommage, parce que du coup, la veille, j'aurais vu Spider-Man, voilà, c'était génial. Mais que du coup, voilà, en fait, genre, le... Non, mais je veux dire, c'est-à-dire que le podcast sortira le 5. Avant. Ah. Non, il va sortir avant. Bon, bah, grouillez-vous à prendre vos places, c'est vachement chouette. Ouais. Et que du coup, en fait, genre... elle a gagné sa place comme donc Miles a gagné genre dans ce collège lycée je sais plus hyper ouais voilà c'est ça c'est et mais que elle du coup ça a été un peu tiré au sort et que bah pour le coup elle galère après c'est et que justement le système scolaire japonais est très cruel ouais c'est de la merde excusez-moi j'appelle ça de la méritocratie hein. Ah mais c'est pire que ça. Enfin, disons que. Pardon, c'est normal, non ? Je m'appelle Jean-Michel de droite. C'est moi. François Hénard. T'es étudiant en droit sur Twitter, toi, non ? Bien sûr, oui, oui. Bah oui, bien sûr. Oui. À Assas. Devinez sa filière. Assas. Bref. Et que du coup, son ami, qui lui a toujours baigné dans ce milieu, n'a pas trop de soucis. Poursuivre les cours. Mm-hmm. Il va l'aider à. Et que, à moi, je voyais ça comme un peu un. Tu sais, un échange de bons procédés, oui, de ça. Genre je te file des cours et en même temps tu m'apprends la vie. À sociabiliser en fait, à comment. Non, avoir une vraie relation humaine. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais comment mais tu parles avec aux elle, gens Oui, c'est ça, apprendre, apprendre à parler aux gens. Genre, ah non, moi en échange ça. Moi j'aurais plus vu en vue de. En échange de l'amitié qu'il lui apporte, c'est pas vraiment un échange, mais lui c'est comme ça qu'il se le figure, en échange du contact. Avec elle, il lui file les cours parce, et ils ont chacun besoin parce que lui il a besoin d'une présence dans sa vie. Je trouve ça un peu glauque dans le sens où c'est bah du coup oui. Ça devient que elle. Moi je voyais plus le fait de genre ok je t'apprends genre tous les cours où tu galères. Oui mais et genre tu viens de devenir ma super pote mais genre tu vas m'aider à parler aux gens dans la classe. Oui mais ce que je veux dire c'est que la finalité du film c'est que à la fin. Oui genre ils sont ensemble voilà. Mais que genre ça peut faire des super scènes très rigolos, très mais rigolotes. En gros, elle, qu'est-ce où il essaye de parler aux gens et c'est hyper awkward. Je te coupe complètement Léo, tout j'en ai rien à péter. Mais en même temps j'essaie de te couper aussi. On s'en fout de se couper, on s'en fout de se couper. Non mais vas-y Elsa, finis. Mais que voilà, c'est genre ça peut donner des scènes vachement rigolotes parce que l'humour, la comédie, c'est un peu le principe de c'est ce podcast. Pourtant on est très peu drôle. Vraiment, je me fais chier. On a un saladier dans le tournoi de presseur sur la table. Ce personnage masculin, genre, je sais pas, essaye de parler aux autres et tu vois juste notre héroïne qui essaye de le driver un peu à distance. Ouais. Genre, dans le mur. Là, c'est quoi ? Des écouteurs implantés dans leurs oreilles. Voilà. Non, un truc genre gadgets. En mode Google Glass. Et il y a les réponses. Il y a sa tête. Dans le futur. Hop, hop, qu'est-ce que tu fais là ? Genre, ah oui, genre, elle a des champ de vision. Elle a des lunettes. Non, c'est avec des. Elle envoie des émojis parce que c'est le Japon. Ou alors pour qu'il soit à l'aise à bien parler avec les gens, en gros, sur les Google Glass. Au début, elle remplace la tête des gens par sa tête à elle. Ah oui, ouais. Comme ça, il fait que c'est comme si il parlait avec elle, mais il parle avec d'autres gens. Et du coup, en fait, il se rend compte que c'est facile. Utiliser tout ça, elle. Non mais parce que il lui apprend, genre, il lui dit t'as appuyé sur ce bouton. La campagne, ça va, il pédale pas pour avoir de l'électricité non plus. Pour remplacer ta tête. On est pas dans la Creuse, on est dans la base. Oui bah moi je viens de la Bretagne, j'ai utilisé Photoshop, ça va les gars, calmez-vous. À la base c'était censé, enfin il y avait ce truc de elle qui vient de la campagne. Elle est en décalage. Qui est en décalage avec dans un Japon hyper traditionnaliste et qui arrive dans ce Japon hyper moderne. Oui mais c'est cyberpunk, donc la technologie elle est, enfin c'est pas, elle est pas en décalage avec la technologie qu'on a maintenant. Le truc de cyberpunk c'est qu'on peut, il y a pas de limite à la technologie qu'on veut inventer. Pour le coup en fait là on est un peu niqué, c'est que le côté très traditionnel du Japon c'est que c'est encore dans les divinités qui ont lieu dans tout le folklore avec les tanuki et les renards, sauf que je pense que ici personne ne maîtrise ce sujet. Exactement. J'étais pas trop en mode très blanc. Ce traditionnalisme là, mais genre en mode elle est vraie. Attention, t'as ton bras sur ta tasse. Les vraies relations là, c'est dans la vraie vie. C'est pas sur Snapchat ou Periscope. C'est ce qu'elle dit. Voilà, les Tinder et compagnie là. Ouais. Ça fait. Once. Ça c'est. Yellow. C'est ce que vous connaissez. C'est une application. Il y a Raya. Raya, je crois, ça va. Ryanair, oui. Eh oh, la vie c'est pas dans les avions, hein, on se calme. Bisous, je m'en vais. Il y a vraiment une application de rencontre pour gens connus. Raya ? Ah oui ? Ouais, je sais plus ça s'appelle Raya. Hollywood. Rencontre pour gens connus.net. Toi aussi, rencontre des gens que tu connais déjà. Rencontre des gens connus dans ta région. Au final, ça marche pas et c'est des gens qui se créent des faux profils. Tout ça pour dire que, oui, il faut les relations. Comment dire, il faut qu'elle lui apprenne les relations sociales et que lui, elle lui apprenne à quand même comment se comporter dans la ville en tant que telle. Parce que elle, voilà, elle sait pas trop. Oui, c'est ça. Ouais. Elle sait parler aux gens, mais elle sait pas parler aux gens comme dans la ville. Trop. Bah, en fait, je pense que lui, ce qu'il peut lui apporter, c'est. Il n'y a pas un monde qui est mieux que l'autre. Oui, c'est ça. Mm. C'est humaniser la ville, en fait, c'est ça. C'est ça. La rendre moins. Comme. Carré. Normalement. Hyper radiophonique, ça. Hein. Regardez, je fais ce geste. Vous l'avez vu là? Mais comment t'as fait? Je suis trop fort. Mais... t'es souple. Attends, mais refais. Vous savez, les doubles sons qu'il y a dans les jeux, il l'a fait en vrai. Tu fais tourner deux fois ton bras comme ça? Non, mais c'est un talent. Mais mec, t'as deux coudes. Mais ouais. Le mec, il a deux coudes. Oui, oh, ça va. C'est bon, chacun. Je reviens parce que c'est la première fois que j'ai cru que t'as dit. J'ai deux coudes et une couille. Il a deux couilles. Bah oui. Deux coudes. Majorité des gens. C'était une référence à. Il y a un point Godwin qui vient de passer, je l'ai évité. Mais. Ah non, j'ai pas. Sur les couilles. Ah ouais, enfin, nazi couille, j'ai pas le. Hitler avec une couille. Ah oui. Ah c'est vrai, et Franco aussi. Et pourtant c'était aussi. Deux dictateurs. Je ne comprends pas ce que ma blague. Napoléon avait des hémorroïdes. Histoire vraie. Il avait des emojis. Mais non, c'est des lunettes. Il avait c'est des coussins emojis. Ce serait pour ça qu'il a perdu Waterloo à cause de ses hémorroïdes. Et genre le mec il était là sur son cheval. Genre il disait n'importe quoi. Mais c'est quoi le rapport avec le Japon cyberpunk? Je sais pas. Alors, on en ressort moins con. On apprend tous les jours grâce à Intérieur. Bah, finalement, on fait une histoire sur l'histoire, machin, mais on apprend quand même de l'histoire sur d'autres trucs. Allez. À vous les studios. Allez, c'est parti. Je vous retrouve plus tard. Moi, je pars en Argentine pour un autre duplex. Et du coup, ouais, on va. Enfin, après l'histoire, elle est pas hyper longue parce que c'est surtout du développement, de dialogue, etc. Oui, voilà, c'est un peu une contemplation sur la vie. Et moi, je pense qu'on peut gentiment arriver vers la fin de l'histoire. Ouais. Qu'est-ce que vous voyez pour la fin? Moi, j'ai un méca géant qui. Ah, comme dans Batman Ninja. En fait, y a une poupée gonflable et des. Wow. Tentacules. Sexe. Hentai, ça sent comme hentai en fait. C'est le hentai avec l'intro la plus longue du monde. Quoi? Ah oui. C'est en fait, au final, on se rend compte. Pour une scène qui dure 2 minutes, le mec éjacule en 2 minutes. C'est un. Comme dans la vraie vie. C'est un boomerang. Ça sextape le boomerang. Bah, je te sers la main. Ça peut être rigolo. c'est pas très radiophonique tout ça. Ouais, ils font des gestes. Mais on sait ce que c'est un boomerang. On mime un rapport sexuel sur un boomerang d'Instagram et commence du coup. Ah ouais. Et... yes, je l'ai. Exactement. Le lit, ça c'est le lit. Non, c'est le mec qui grince beaucoup. Ah ouais, parce qu'il est vieux. Il a une hanche. Il a une c'est hanche, l'orifice pénétré par la chose pénétrante. Ah ouais, bah. Non, quel qu'il soit. Très bizarre comme bruit alors. T'as pas eu un sexe en cuir, c'est dingue. Avec les frottements. Un sexe mais en cuir. Il faut l'entretenir, enfin. Je le lustre tous les matins. Je vais chez le cordonnier. Comment on dit? Je le cire. Est-ce que vous pouvez arrêter de parler de votre masturbation? Mais pas du tout. Ah non, oui. Ah bah, c'était pas du tout. C'est pas du tout ça que j'avais en tête. C'était... moi non plus. Bah, bon, je lustre mon sexe. Oui, bah maintenant que tu le dis. Excusez-moi. Moi j'avais plus l'idée d'un truc en cuir. Non, on est innocents, tu sais, on est des êtres innocents. Ouais, vous êtes plus sûr. J'ai jamais baisé. Moi non plus. Waouh. Et ouais, non, mais la fin. J'essaie de te cacher ma tristesse. La fin, la fin, ouais, c'est gentil, quoi. Il y a une musique sympa, j'ai pas d'idée. Non, bah, la, pas fin, de... ça, la fin, ça peut être fin. Un peu... Sinon, ils peuvent être écrasés par le poids de la ville. Littéralement. Ils sont dans un immeuble. Comme dans Avengers. Non, comme dans Avengers. Tu ne spoiles pas. Mais non, bah, pas le dernier. Okay. Le 2, Avengers. Ah non, non plus, hein. Non, moi, je l'ai pas vu. Hein, il drop une ville entière sur ah, un pays. Ah putain, ouais. C'est... Bah, bon, le film est nul. Non, moi, je voyais plus genre, un peu un film genre comme bah, Pompoko, je sais pas si des gens l'ont vu. Bah, bien sûr. C'est les grosses couilles. C'est comme dans Ghost in the Shell. Les Tanuki, ouais. Ah, du coup, en fait, t'as tout ce côté où ils essayent de lutter contre la ville. Je l'ai vu il y a très très longtemps. Et ben en fait, genre ça se finit un peu de façon étrange où en fait tu les vois qui luttent pour sauvegarder leur espèce naturelle puisque des tanuki, donc des sortes de gros renards blaireaux. Comme dans pour Naruto. Te dire, ça fait si longtemps que je l'ai vu, mon père l'avait loué à Vidéo Futur. Oh, putain. Ouais. Et, moi, et globalement, en fait, ce qui est très étrange dans ce film, c'est. Ouais, t'as. En fait. Trois quarts du film où tu les vois qui luttent et genre ça devient de plus en plus épique et genre les humains commencent à comprendre qu'il y a des trucs dans la forêt où bah faudrait pas trop prendre leur territoire et en fait ça foire. Ah ouais. Et mais genre il y a pas de raison au fait que ça foire, c'est juste que bah l'humanité est plus forte que et que la modernité a pris le pas sur et genre t'as toute cette scène genre absolument horrible où tu vois les tanuki qui genre observent la forêt qui genre se détruit et ils sont totalement impuissants face à ça. Ouais. Et juste, en fait, ils n'ont pas d'autre choix. C'est quoi que l'idée de... que tu aurais pour adapter ça au film? Je sais pas, mais je sais juste que c'est un super film et je voulais parler de Pompoko. Moi, je vais mettre un truc un peu mélancolique, genre pour une fois, elle, enfin. Le détective. Cette dame. Hein, oui. Le détective dans Death Note. Cette madame d'une vingtaine d'années, donc, amène ce jeune homme qui n'a vécu qu'à la ville de manière totalement... À la campagne. À la campagne, profiter un peu de la vie, ouais. À défaut de profiter de la ville. Oh, ouais. Oh là là, il nous régale. Eh, hey, ce mec, c'est trop un poète. Mais moi, je l'appelle... Mais tiens, je t'en donne... Fermez vos gueules. Non, voilà. Je te redonne la confiserie que tu m'as donnée en disant ça, parce que là, c'est... La quoi? La confiserie. La sucrerie, si tu préfères. Le bonbon, quoi. Oh là. Ça parle de bouffe. Ouais. Bon, je sais pas. Okay, pas. Mais ouais, non, enfin, genre, sur la. Je voyais peut-être un truc un peu. Pas forcément mélancolique, mais. Un peu défaitiste ou. Ouais, très. Ouais, bah. Très... Où c'est un peu la métaphore de nos jeunes années dans la vie adulte, ouais. Où t'as beau essayer tout ce que tu veux, t'as beau genre te renseigner partout, tu cherches comment remplir ta feuille d'impôt, tu cherches comment faire rembourser tes trucs par la sécu. C'est très vécu ça. C'est, je suis en plein dedans. Ouais, c'est vrai. Et bah, moi mes parents sont balkani donc ça passe. Les impôts, je les mange. C'est ça. Et c'est genre, c'est pas genre t'es complètement. C'est bon, dans chat, la merde, il a mangé mes impôts. Mais juste, juste tu survis, tu vois, genre t'es dans la merde, mais pas trop, genre juste, ouais. t'es vraiment. T'es, tu surnages t'es la merde. T'es en équilibre. Bah justement, ça pourrait être cette scène-là, mais du coup avec un sous-entendu en mode, tu pourrais te dire en la voyant, ah MDR, c'est trop marrant, ils ont réussi à survivre et tout, et au final ils sont toujours en train de parler de ce truc-là. Enfin, je sais pas si. Mais genre c'est pas un happy ending, c'est genre ils ont grandi et du coup ils se rendent compte que bah maintenant ils sont adultes et qu'au final. Et que ça genre, va être ça tout le temps. Voilà, c'est ouais. Ça, et que le final de genre. Le être attaché à ses traditions, c'est bien, c'est important. Vivre avec son temps, donc savoir utiliser la modernité, c'est important aussi. Parce il faut savoir que... faire la part des choses. Voilà, mais que dans tous les cas, il n'y a pas de solution, genre, où se rattacher que à ses racines. Parce que dans ce cas-là, tu es bloqué dans le passé et tu ne peux pas progresser, puisque bah, le monde ne t'attend pas, en fait, il continue. Le monde, il va chez le coiffeur déjà. Ah oui. Allez, OSS. Ouais, 77. Le monde, il vous attend pas. Et le monde, il va chez le coiffeur. Ah, d'accord. Voilà, parce que genre là, ça se voit pas, mais j'ai une coupe de cheveux des mêmes. Il serait temps. Hein. Bah, moi, c'est ce que j'allais dire, la première chose. C'est gentil, merci. Bah, ouais, d'ailleurs, tous les auditeurs pourront confirmer. Hein, c'est... Exactement, je filerai mon Insta après. et que genre vivre uniquement dans la modernité où t'as plus de rapport avec l'humain, en fait, c'est pas bon non plus, parce que tu... Ce qui marche aussi avec Network qu'on a vu hier, d'ailleurs, où il y a... tu te rends compte que c'est un peu tout le film qu'on a fait, en fait, c'est le film que t'avais hier. Bah ouais, bah oui, bah on a aucun tort à le dire. Hein, non, voilà. Pas du tout. Excusez-nous d'aller au ciné, de sortir, voilà. Nous. On se cultive et on réinjecte des tropes qu'on a vues dans de nouveaux films. Bah allez-y. Mais parce après, que si non, on n'avait pas vu de film, on pourrait pas raconter un film, en fait. Mais c'est... Oui, non, mais c'est juste... ce que je disais, c'est que ça reprend un peu la même idée où un des personnages de Network, justement, est totalement... engrainé dans la technologie de l'époque et n'a plus aucun contact avec les gens et que bah, c'est pas possible non plus parce que en gros il pète un câble et plutôt que de se dire oula il pète un câble c'est attention ils vont faire hey, il pète un câble c'est une bonne idée de d'émission et donc du coup en fait ça s'empire plutôt que de ouais, okay, ouais. Et Network de Cindy Lumet alors, voilà. Et que du coup ouais moi la conclusion c'est un peu genre bah, ils se sont rendu compte que ils doivent faire la part des choses ils doivent être en équilibre c'est un équilibre constant à avoir et que bah en fait c'est super compliqué c'est ouais, ça okay. Et que il y a une sorte de mélancolie de bon bah moi c'est plus on a réussi on a survécu jusque là mais comment ça se finit concrètement pas par le message mais concrètement qu'est-ce qu'ils font qu'est-ce qui se passe bah ils vont à la campagne. Mais c'est tout. Et donc, ils mangent du maroilles dans sont du sur café. Non, c'est clairement bien chez les ch'tis qu'on a fait en fait. Il pleut là tout à coup. Non, j'ai une idée. Oui, ils sont du coup donc à la campagne machin. Le type il voit genre les arbres pour la première fois. Là, c'est beau. La meilleure. Et en fait, ils sont juste genre en train d'attendre leur train pour rentrer à la ville. Et en fait, ils attendent parce que genre je sais pas genre le train va arriver et c'est la dernière fois en fait qu'ils voient genre devant eux. La nature, parce qu'après, genre, ils seront dans ce bolide métallique, ouais, qui vont retourner vers la ville. Et qu'il y a, genre, à moitié un mélange de bah, t'as la nature, t'as les oiseaux, machin, voilà. Et t'as cette gare hyper moderne où t'as de plus en plus de spots publicitaires, de tu sais, la pub interactive, machin, comme c'est dans. Minority Report. J'avais plus Blade Runner. Les deux. Qui a marche. Été beaucoup inspiré par Akira de mémoire. Ah oui. Je sais plus si énormément. C'est Akira qui a inspiré Blade Runner ou Blade Runner qui a inspiré c'est Akira. C'est Blade Runner qui a inspiré d'Akira du manga. Et que du coup, ouais, Blade t'as... Runner, le film de. T'as cette superposition. Inspiré de. Oui, c'est ce que oui. J'ai dit. Okay. C'est ce que j'ai dit. Non, parce que j'ai entendu a inspiré Akira. Non. Bah oui. Blade Runner. Bah, non, Blade Runner, c'est sorti en 82. Oui, mais le manga, il était déjà. Ouais, mais non, parce que le film il est sorti pendant la publication d'Akira. Justement, parce que la fin du manga c'est pas la même que celle du film. Mais je sais pas. Ouais. Non, c'est vrai, oui, c'est ça. Et que du coup, ouais, moi je voyais ça un peu cette fin où t'as bah, à nouveau bah, un peu la conclusion de ce qu'on vient de dire. C'est à l'équilibre de genre la partie traditionnelle compagnie, t'as la partie hyper moderne et qu'il y a au final en fait. Ce côté assez défaitiste où genre je suis tellement déconfit. Qu'est-ce que tu fais avec tes doigts dans le nez? Arrête de manger des crottes de nez, Léo, c'est dégueulasse. Il doit te le nez. C'était Timothée, hein, attention. Chacun ses hobbies. Mais que bah, voilà, Timothée en fait, va genre, te coucher, ils là. Vont retourner dans la ville et ça a été genre une jolie escapade dans la nature, mais que bah au final ils vont retourner dans cette société qui les aliène un petit peu. Et que même s'ils ont genre cette possibilité de quoi, là. Timothée range cette tranche de jambon. Non, pas dans le caleçon, pas dans le. Bah, va te coucher. Et ferme la porte. Vas-y, excuse-moi. La lumière derrière toi. La lumière. C'est pas Versailles. A raté son RER pour ses blagues. Putain. Mais voilà, c'était. Moi, je voyais ça sur vraiment le quai de gare juste avant qu'il parte, où t'as un équilibre dans la composition de l'image. Où t'as donc la partie traditionnelle, la partie très moderne. Mais qu'au final, comme ils sont sur un quai de gare pour aller vers la ville. La direction c'est toujours vers la modernité et qu'il y a ce côté genre il retourne vers l'aliénation et qu'il y a du coup une certaine mélancolie de que c'était une jolie pause d'aller à la campagne mais qu'au final ils seront obligés d'y retourner c'est que leur vie d'adulte ils sont obligés de l'accepter donc c'est de retourner une fin ouverte et fataliste. Ouais, clairement. Ouais, je pense que j'ai envie de me suicider. Il a le saladier des hautes dépressions sur la table. Parce que ça fait très longtemps qu'on enregistre. Excusez-moi, j'en prends un. T'en vas. Ouais, vas-y. Bah tiens. Ouais, allez, tout le monde. Allez, c'est la fin. Je suis extrêmement ravie d'avoir fait un film triste. Ouais, bah c'est le premier. Exactement. Il faut une si vous voulez du fun, invitez-moi. Ouais, je suis quelqu'un d'hyper drôle. Ouais. Bah ouais, c'est une chanson de Vald. Non, T'as pas l'air. C'est bien. C'est juste que moi je trouve qu'on a pris un peu de temps. On a pris un peu pour de temps. Pour si peu de choses. Si peu de choses. Mais c'est. Mais c'était rigolo quand même. Il y avait des moments marrants. C'est plus sérieux, c'est un épisode sérieux. Ouais, il était plus sérieux. Oui, mais des fois il faut être rigolo et des fois il faut être et triste. Et c'est ça être adulte. À part Timothée qui arrête pas de faire des conneries là. Mais Timothée, arrête de chier dans ton froc. Il la mange en plus après. C'est la tête de Louis qui abandonne. Il nous regarde. On a un écran qui donne le retour de la régie. Voilà, donc c'est la fin. Salut Louis, est-ce que tu peux dire un concours pour la fin? Et c'est un nom de Louis. Non, c'est un nom, il veut pas. Dommage. Il s'est endormi. Du coup, on va se quitter en faisant un retour de table de qui on est, de nos réseaux, de on se présente. Léo, on peut commencer par Léo. Léo, est-ce que tu peux te présenter pour si tu fais des trucs sur internet, à partager? t'étais venu la dernière fois, tu nous avais dit ouais, je fais des clips, mais il y en a pas un qui sont sortis encore. Je reviendrai pour faire la promo. Moi, je crois qu'il y a peut-être un truc qui est sorti. D'ailleurs, il y a un clip qui est sorti qui s'appelle Fraise Tagada, comme les bonbons. Oui, j'avoue, j'ai oublié de ramener les guirlandes des uns. La prochaine fois que je reviens, je vous dirai si je les ai rendus ou pas. Je pense pas. Donc, Fraise Tagada de. De Blélock. B-L-E-L-O-K. Ouais. Okay. Et puis, voilà. Tu as réalisé un joli plan séquence. Attention. On ne fait pas les choses à moitié. Il est très beau. Oui, il est très beau. Et puis, voilà, je pense que. Bien, oui. Bah oui. Je sais plus ce que je voulais dire. Je pense que. Ah là là. Mais c'est pas grave, tu peux ne pas avoir. Les réseaux, c'est Léo Vesken, V-E-S-K-E-N. Vous pouvez me follow là-bas. Et voilà, je fais des réalisations de temps en temps. Yoborat sur Twitter d'ailleurs. C'est tout à fait Yoborat, qui était un pseudo inventé 54. En 6ème. 56, attention. Autant pour moi. Et voilà. Yoborat 56. Voilà, c'est tout. Et voilà, et c'était tout. Et j'aime bien faire des réalisations audiovisuelles parce que c'est ma passion. C'est ton fer de lance finalement. Ouais, c'est ça, c'est le nerf de la guerre. Le nerf de la guerre. Ça fait mal dans l'œil. De pas la guerre. Ça fait pas trop mal. Elsa oui. Oh, j'ai beaucoup dit de A. Alors que c'est le Z, j'ai vraiment que. Oui, parce que oui, j'ai mal écrit. Une fois, j'ai écrit Elsa avec un S, en fait, c'est un Z. Et voilà. C'est un Z. Elsa, pas Elsa. Du coup, moi je fais des photos et sur Twitter et sur Instagram où mon pseudo, si je me trompe pas, c'est donc ErrorStat, E2R0R_stats, comme les stats, les statistiques. Ouais. Exactement. S-T-A-T-S. S. Exactement. Donc je continue ça, j'ai beaucoup trop de projets qui arrivent et je ne vais jamais dormir. Et j'ai deux courts-métrages que je suis en train d'écrire, mais je suis en train de me toucher la nouille joyeusement. C'est depuis octobre que je les écris, il n'y a pas de souci. C'est pas comme s'il y avait des gens ici qui écrivaient des trucs depuis décembre 2017 et qui n'étaient toujours pas sortis. Ça fait deux ans que j'écris un truc. J'ai aussi 8 ans que j'écris un truc. Je suis aussi monteuse, donc j'ai éventuellement un clip que je vais monter pour une amie bientôt. C'est le montage du plan séquence de Louis. Exactement. De Léo, pardon. Non. Mais du coup, je fais de la photo. Je vais bientôt aussi me lancer en tant que photographe. Aïe, quand j'aurai arrêté de me toucher. La bite, je vais faire plein de trucs. Décidément, il faut arrêter de se toucher la nuit et la bite. Mais plein de projets, ça semble. Ouais, ça j'ai plein de trucs, fou, mais parce qu'en fait, je passe des journées très très vite au taf, donc j'ai énormément de temps. Genre, je dessine aussi beaucoup. Il faut remplir sa vie. Je connais. Voilà. Okay. Enfin, j'ai connu. Du coup, voilà. Sinon, vraiment, le truc qui va arriver, c'est le mois de mai, il y a le Mermaid Challenge, qui du coup est un dessin de sirène par jour. Et du coup, c'est un peu comme l'Inktober, mais sur les sirènes. Ouais, sur les sirènes. D'accord. Et donc, je vais essayer de faire au début, plein j'ai de sirènes. Sirène, genre l'animal, le renne. Non. Et du coup, je vais essayer de le tenir, contrairement à Linktober dernier, où j'ai fait genre 6 dessins sur les 31. Ouais. Pour plein de sirènes chouettes, des sirènes filles, des sirènes garçons, des sirènes handicapées, des sirènes grosses. Finalement, tu as de multiples talents, tu as plein. Voilà, j'ai plusieurs casquettes. Alors que je porte un bonnet. Voilà, j'ai plein de talents, mais l'humour, c'en est pas un. Un peu quand même. C'est gentil. Ça va. Antonin. Oui, moi je vais faire très très vite. J'ai fait beaucoup de i. Et de n. Moi je vais faire très vite. Depuis la dernière fois, il y a rien qui est sorti, mais comment dire, on est en montage d'une émission avec Yann qui était déjà passé dans les dans les épisodes précédents. Ça fait 2 ans que j'écris une série et qu'on va enfin pouvoir la tourner. Et qu'elle verra le jour dans 1 an peut-être, sans doute, je ne sais pas. Ok. Et vous pouvez me suivre sur Twitter, NYNOTNA, pour suivre ce que je vais sortir dans pas longtemps. Parce que j'écris énormément et je réalise pas tant que ça. Okay. Donc on va bientôt réaliser, etc. Mais ça arrivera pas tout de suite, mais en gros on a plein de trucs en même temps. Trop bien. Trop bien, ouais. Et voilà. Et donc toi, Théophile, où est-ce qu'on peut te retrouver Moi, là, il y a la BD, enfin ce fanzine queer qui va sortir. Il est sorti. Non, il est pas sorti. Il va sortir. Enfin, je sais pas s'il est sorti à l'heure où la... Ça où fait la... 3 épisodes. Et ça fait 8 épisodes, je pense, depuis le début. Qu'on non, dit qu'il va sortir. Parce que déjà, maintenant, il y a un nom. Maintenant, il y a un nom à ce fanzine qui s'appelle Chroma Queer. Ok. Et voilà, donc il y a une BD dedans de moi. Quoi d'autre? Bon, rien d'autre en fait. Bah, trop bien. Théophile-AV sur Twitter, j'ai changé mon nom. _. Mais _ et crève. Alors, Théophile-AV sur Twitter et pareil sur Insta. Voilà, j'ai harmonisé mes deux réseaux sociaux. Tu fais bien. Voilà, pour être. Vu qu'il y a personne qui clique dessus, ça change pas. Mais non, je suis sa première fan. Je like et retweet absolument tout ce qui m'inspire. Voilà, Twitter. Donc en fait, si vous followez Elsa, vous me followez par la même occasion. C'est un package. D'une pierre de couille. Je sais que je t'ai ramené des gens. Tu fais d'une pierre de couille. Je vais la dire jusqu'à ce que tout le monde l'entende. D'une pierre de couille. Allez, c'est la fin de cet épisode. Et du coup, on remercie énormément Louis pour cet enregistrement qui a été notre régisseur qui s'est fait chier pendant 2h30 à tout installer, à tout écouter. Un grand merci, vraiment très chaleureux à Louis. C'est le mot de la fin. Chacun va dire un mot dans l'ordre, dans le sens des aiguilles d'une montre. À toi, Elsa. Quoi lire? À moi? Oui. Cherchez sur Wikipédia parce que c'est vachement chouette quoi lire. Vert. Pitbull. Le chanteur. Et merci. L'animal. Merci, à dans 2 semaines. J'espère que ça vous a plu. Bisous. Bisous. La bise.